Speak Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'Indestar. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? En théorie, c'est les Peak Avengers ce soir. Bah, les Peak Avengers sur Indestar, 21h, on est jeudi, on est bien. On est bien. On est pas nombreux. C'est vrai. Mais on est toujours debout, on est toujours là. Non, on n'est pas Renaud non plus. Non, plus. Renaud n'est pas avec nous ce soir. Non, mais par contre, c'est de la pop culture, c'est bien, on est déjà dans le thème. Hein. C'est vrai, ça. On est bien dans le thème. D'ailleurs, ce fameux thème ce soir, ça va être la jeunesse, ça va être quoi? L'adolescence. Très exactement. Période entre quoi, t'es 13 ans et t'es 18 ans, voire même un peu c'est plus. C'est assez long, certains. Hein, des fois. Oui, ça peut traîner jusqu'à 40. Oula. C'est ça. Tu insinues que notre invité n'est plus jeune? Ah, notre invité, il est peut-être un peu sorti de l'adolescence, mais quoique, on sait pas. Ça dépend des sujets en ça vrai. Dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Bonsoir, ah. Pascal. Bonsoir, Teddy. Ah, moi c'est Théo. D'accord. C'est pas grave, on me dit pas bonsoir, rien à faire. Donc oui, nous avons Pascal, nous avons Théo, ouais. Nous avons Linda, oui. Et nous avons Antoine qui nous dit bonjour également sur le Twitch, puisque je rappelle que bien entendu si vous êtes sur indestar.fr et vous cliquez sur le petit onglet violet, ouais. Vous avez accès à au Twitch. Chat du Twitch et aussi au Twitch tout court pour nous voir en vidéo. Évidemment. C'est magnifique. D'ailleurs, si vous ratez cette émission, pas de panique. Si vous devez aller vous coucher, pas de panique aussi. Hein. Je pense aux petits jeunes comme Kiki. Kiki, c'est qui c'est Kylian. Ah, Kiki. C'est Kiki qui doit aller se coucher parce que demain il a école. Non, soyez pas méchant. C'est pas méchant. Mais demain il a école. Il peut écouter en podcast sur indestar.fr. Il y a toujours des solutions. Voilà, il y a toujours des solutions, bien évidemment. Sûr. Ou sur indestar.fr, voilà. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Exactement. Ça va être le thème de ce soir, hein. Non, pas du tout. Le problème, non. Par contre, l'adolescence, effectivement, on va en parler. Alors, on a tous une période d'adolescence qui est un petit peu différente, ce qui J'espère. Est normal, hein. Il y a tous les âges, là. Là, en fait. on est des bonnes générations alors, bien opposées. Tous les âges, on va même remonter un petit peu plus loin. Ouais. Puisqu'on commencera au début de la pop culture, donc on va dire après la Seconde Guerre mondiale, les années 50-60, là où ah oui, on commence vachement loin. On jouait aux osselets. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, entre autres, enfin moi personnellement non, mais non cette époque-là, oui, les billes, les osselets, mais ça c'était plus l'enfance. Alors les osselets, hein, c'était plus. Bon, avant, oui, mais ouais. Je sais que dans les années 50-60, il y avait encore des osselets. Hein. Ouais, si. Je suis pas sûr. Si, dans les années 60, il y avait des osselets. Ah, bah oui. D'accord. Mais c'était plus les jeunes, hein. Enfin vraiment, avant les pré-ados. Ouais. Mais on va avancer depuis... dans le temps après, si j'ai bien compris. Ah bah on va aller jusqu'aux années 2023. Oui. Évidemment. Ah, bah, ouais, on va parler un peu même de. Le futur. Bien sûr, évidemment. Ça c'est bientôt hein, ça c'est le programme et on terminera évidemment comme chaque émission de Peak Avenger par un quiz. Oui. Avec des questions et vous allez pouvoir jouer avec nous bien entendu, alors que vous soyez sur le chat de Twitch ou bien sur indestar.fr avec une feuille et un stylo à l'ancienne ou une ardoise parce que nous on a des ardoises Velleda ici chez Indestar, mais oui, vous allez pouvoir répondre aux questions à des petits extraits sonores. Il y aura 7 questions je crois et ouais. Voilà, avec 3 propositions s'amuser, de réponses super comme d'hab, j'ai envie okay. De dire. Et on a ouais. Super bête. Ah oui, t'aimes bien la musique de fond là. Ouais. Non, le bête de quiz. Ah, non, le quiz aussi. Est sympa aussi, hein, bien sûr. Mais le bête de quiz est particulièrement excellent. Je d'accord, ok. Donc, ça va, vous l'aurez. Restez jusqu'à la fin, vous aurez une belle musique de fond. C'est le meilleur truc de cette émission. Ok. C'est le bête. Non, là, on va peut-être parler de jeunesse, mais avant ça, Théo, t'as fait quoi aujourd'hui, toi? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ouais. J'ai travaillé. Alors, c'est, avec la jeunesse? Avec oui, la jeunesse, puisque j'ai reçu des services civiques. Service civique, tu sais, c'est 16-25, donc ouais. Oui, jeune, effectivement, oui, fin d'adolescence. Ouais, qui sont là pour venus, 4 semaines Non, à plus que ça, 8 mois. Ah ouais? C'est quoi service civique? Service civique, c'est 8 mois, ouais. Non, moi j'ai pas fait ça. Hein. Si, bah, toi t'as pas fait service civique en même temps. Ça existait pas, peut-être. Non, c'est vieux finalement. J'ai confondu avec mission locale, rien. Il a confondu de contrat. Mais il est vieux finalement, t'es dit. Pourquoi? Bah, parce qu'il a pas eu le droit de faire service civique. Non, non, si, il aurait pu. Ouais, non, c'est que j'étais boulanger dès le début. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Il n'a pas eu l'occasion. Mais non, ouais, service civique, c'est un premier pas dans la vie professionnelle et c'est pas mal. Ouais. C'est des missions de 6 à 12 mois, je crois, mais environ. Voilà, ça peut te permettre de faire des missions dans des boulots qui t'auraient pas forcément embauché. Tu l'as découvert, toi. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend en fait, ça dépend quel type de mission tu veux faire. Là, ce que j'ai reçu, effectivement, c'est dans le cadre d'une association qui s'occupe de service civique. Donc ça leur permet de tester pas mal de choses. Par contre, normalement, tu fais service civique dans une structure précisément, ouais, et donc tu bouges pas de la structure. D'accord. Mais ça te permet de découvrir un job. Ouais, et, ça te réinsère un peu des fois. Bah, ça t'insère même. Ça t'insère même des fois à ce stage-là, ouais, bien sûr. Parce que réinsertion. Ça peut te desservir aussi. Oui, peut-être. C'est le risque. Non, en principe, c'est pas mal. C'est et positif, toi, t'es dit nouveauté aujourd'hui, non? Ouais. Wow, attention, je suis toujours boulanger. Ouais. Mais je change de crèmerie. Non, de boulangerie, du coup. Évidemment. La bonne blague. Oui, je change de boulangerie. Je deviens un plus vrai boulanger que j'étais avant. Non, un vrai. T'étais un vrai boulanger. Non, non. C'est juste que tu travaillais dans une grande surface et là, c'est une petite surface, quoi. Ouais, là, c'est très petit d'ailleurs comme loco. Hein. Je touche les murs avec la pelle. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est vrai. Ouais, mais c'est à l'ancienne, c'est manuel, ouais, c'est de l'artisanat. Et là, tu vas être heureux. Grand art. Oui, je suis un peu plus heureux que d'habitude. Bravo. Merci. C'est normal, c'est le début. Ouais. Parce que j'aurais le droit de ramener du ping. Oh, génial. Du ping du sud, peu cher. Ah, ça y est. Non, je déconne, il n'y a pas de ping du sud. Ça n'existe pas. Baguette tradition. C'est le restaurant chez moi déjà. Le restaurant ? Ouais. Il y a quoi dans le restaurant ? Non, c'est le pain, ça s'appelle restaurant. Mais bon, bref, on va pas parler boulangerie toute la soirée. Hein ? Non. On va parler pop culture, ça sera mieux. Ouais, pareil, ouais. C'est très pop le pain. Oui, c'est vrai. On va remonter 60 ans en arrière dans un instant sur Indestar. Mais avant, on a de la musique. Teddy, on écoute quoi? On va écouter du Sarache. Ouais. Bah ce soir, parce que c'est maintenant, c'est le titre de la chanson ce soir. Ah oui. Mais c'est aussi ce soir. Et c'est sur Indestar. C'est ce soir que tout se passe. Évidemment. C'est là où tout commence, c'est Indestar, normal. Ce soir je ne sortirai pas, j'ai pas le cœur à la fête. Quand je repense à tout ça, j'ai plutôt mal à la tête. Ce soir je ne danserai pas, je préfère rester solo. Faites comme si je n'étais pas là, c'est trop. Moi je veux pas bouger, je suis si bien comme ça. Moi je veux rester là. Je me suis lassée de ce jeu de vos blabla. Ça ne me ressemble pas. Et j'en ai assez, je ne veux plus faire semblant. Je ne veux pas perdre mon temps. Moi je veux pas bouger, je suis si bien comme ça. Moi je veux rester là. Seront salutaires. Mon cœur, je le garde pour moi. Je ne le vends pas aux enchères. J'ai peut-être encore trop parlé, mais je ne peux plus me taire. Si le silence est d'or, vos cœurs sont de pierre. Moi, je veux pas bouger. Je suis si bien comme ça. Moi, je veux rester là. Je me suis lassée de ce jeu de vos blabla. Ça ne me ressemble pas. Et j'en ai assez. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux pas perdre mon temps. Moi je veux pas bouger, je suis si bien comme ça, moi je veux rester là. Ce soir, je danse avec moi. Qu'est-ce que ça te fait si je réponds pas? Tous ces sourires ne me manqueront pas. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. C'est quoi la ref? Ouais, alors faut pas tomber sur la boîte des chocolats. C'est pas Forrest Gump? Si, c'est Forrest Gump. Ah ouais? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Je crois que c'était mon chéri. Oui. Les chocolats. Et qui est censé avoir une culture cinématographique entre nous deux? C'est pas de ma génération ça. Non, mais c'est une excuse. Ouais, mais c'est connu ce film. Je l'ai jamais vu. C'est The Film. Je l'ai jamais vu. Une excuse, Teddy. C'est pas parce que c'est sorti avant ta naissance, qui est même pas vrai en plus, que non. Forrest Gump, c'est pas si vieux, c'est les années 90. Ouais. Je suis en 95. Eh ben, c'est bien ce que je peux pas le regarder à deux T'as ans. T'as pas d'excuse, c'est un film culte. Exactement. Tu n'as pas d'excuse. Ce soir, vous n'avez pas d'excuse non plus pour ne pas écouter cette émission sur Indestar. La pop culture est à l'honneur avec les Peak Avengers, évidemment. Oui. On va faire une petite sieste là. Et ouais, c'est vrai que la musique est douce dessous. Et ce soir, on parle pop culture de notre jeunesse, de l'adolescence, cette période charnière où finalement tout ce qui est pop culture, entre autres, pas que, hein, mais nous imprègne beaucoup plus que les années d'avant et ça les années d'après. Ça va nous marquer à vie, en théorie, parce qu'on va se rappeler de notre jeunesse toute notre vie et on va grandir en disant « Ouais, c'était mieux avant !» Parce qu'on va se rappeler que les bons moments, en théorie, de notre jeunesse et tous les mauvais, on va essayer de les oublier. Bah, on essaye de les mettre entre parenthèses. Ouais, mais au bout d'un moment, tu les oublies vraiment. C'est vrai. Tu gardes que les vrais mauvais souvenirs, tu vois. Mais tout ce qui est petits mauvais souvenirs, tout ça, tu vas les oublier et du coup tu vas dire ah c'était mieux avant. Et moi je sais que par exemple sur la musique dans l'adolescence, tu gardes vraiment un truc ancré quoi. T'as des musiques qui te rappellent des moments bien de ton adolescence, ce soir, etc. C'est qui retour en arrière, souvenir. Bah, alors pas que nos souvenirs personnels, ça fait, hein, ça fait du bien. Mais peut-être les vôtres aussi, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Il y a Lutherbach qui vient de nous rejoindre et qui nous dit salut Indestar. Et eh bien salut à toi, Lutherbach. Salut. D'ailleurs, ça fait partie de la pop culture. Allez, la bière, tout ça. Les copains, c'est ancienne marque de bière. Lutherbach, j'ai retenu ça. Ça doit être un souvenir, ça peut-être pour au lui, bout de trois émissions, la Bah, c'est bien. Bah, écoute, il me faut du temps. Que veux-tu. En tout cas, ce soir, on va voyager dans le temps et on va le faire ensemble, hein, puisque je vais vous demander votre participation. On va reprendre au début de la pop culture dans les années 50-60 après guerre. Là, une fois qu'on a commencé à reconstruire la France et qu'on peut s'intéresser à un peu plus de loisirs. Je vais voir la DeLorean. Vas-y. Vas-y. Ok. Donc. Alors, à votre avis, quand on est jeune à cette époque-là et qu'on n'est pas à l'école, ce qui est quand même le Graal, hein, quand même réservé aux classes un peu plus aisées, qui ont accès à l'école et notamment en ville, parce que la campagne, souvent, on aide les parents dans les champs. Mais quand on a la chance d'aller à l'école et de pouvoir sortir aussi un petit peu, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait durant son temps libre, sachant que pour remettre quand même dans le contexte, c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on a une voiture, hein, surtout dans les années 50, au mieux on a un Solex, une Meub, au pire on a un vélo, voilà. Mais on fait avec. Déjà si je parle de sport, parce qu'il y a des sports qui vous viennent du cerceau avec un bâton là. Non mais alors attends, adolescence Teddy, toi je sais qu'à 18 ans t'étais peut-être avec ton cerceau. Franchement, à cette époque-là, ça me parle pas. Non, Bah, moi non plus, bizarrement. C'est peut-être les majorettes déjà, je sais pas, non. Ouais, il y avait les majorettes, pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah, alors, qui dit majorette dit aussi. Alors, je vais pas faire la comment cheerleader, mais t'avais du football, t'avais des sports comme ça. Oui, ça entourait quelque chose. C'était très sexiste, on est d'accord, hein, parce que le football, c'était les garçons, très clairement, il y avait et pas d'équipe féminine. Qui dansaient. Pas beaucoup de compétitions. Alors, c'était le début des compétitions, mais t'avais pas beaucoup d'argent dans les clubs parce qu'il n'y avait pas, tu sais, les maillots floqués comme t'as maintenant avec les sponsors, etc. Ouais. Ça n'existait c'était pas. Léger, donc t'avais quoi, des maillots classiques, hein, finalement. Ouais, je sais, ils faisaient de la course. Parce qu'il n'y avait pas de matos, il n'y avait rien, tu cours. Lutherbach, il nous dit du surf. Ah ouais, alors peut-être sur la côte ouest des États-Unis, mais en région centre-Val d'Oire, le surf. C'est pas terrible. Moyen, hein. Non, il n'y a pas assez de vagues sur la Loire. Hein. Même sur la côte atlantique, je ne suis pas sûr. Ah bah de la pêche, tiens. Alors, c'est pas de la pêche, oui. Oui, il y avait de la pêche. Ouais, bah, pêcher, t'es dans les sports, là, clairement. Ouais, non, j'ai pas envie de le mettre dans le sport, effectivement. J'ai du mal aussi à le mettre dans le sport. Il y en a qui diraient le contraire, à mon avis. Alors, si on a parlé des sports des garçons, je vais dire la danse classique pour les demoiselles. D'accord. Voilà. Bon, avant l'arrivée des danses individuelles qu'on pratique dans les années 60, est-ce que vous avez une idée des danses qu'on danse? Danse de salon, musette. Par exemple, alors qu'on salsa, va au bal musette. Ouais. Hein, Charleston. Le Charleston, ouais. Peut-être. Il y avait le twist. Twist. Oui. Vous connaissez le twist, hein. Madison. Le Madison. Non, le Madison. Il y avait le locomotion. C'est un twist qui se danse en ligne et on rajoute une sorte de va-et-vient pour imiter le mouvement d'une locomotive à vapeur. Ah, tu connais j'aimerais ça, bien voir ça, moi. Non. Vraiment non. Il y avait déjà le rock'n'roll. Attends, je vais en parler du rock'n'roll. Mais bah, t'as raison. Les années 60, hein, plus le rock'n'roll. Mais... Non, c'est 50, deux années 50. Ouais, mais ça s'est démocratisé quand même dans les années 60 grâce à un truc. Mais je vais en reparler. Avant, il y avait le mashed potatoes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas entendu parler du mashed potatoes? Non. La purée de pommes de terre en français. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et alors? Et bah, c'était une danse. Alors, c'était une danse qui a duré à peu près aussi longtemps que la tectonique, si tu veux. C'était pas top, quoi. C'est exactement 62-63. tu vois, et notamment popularisé par Johnny Hallyday. C'est une danse, tu sais, avec les genoux, vous avez déjà vu ça. Les serrés comme ça. En fait, tu écartes et tu rapproches tes cuisses là. Tu vois, tu fais un espèce de mouvement comme ça, c'est le mashed potatoes. Et ça a pas marché. Et tu échanges deux genoux avec tes mains. Même pas. Non, juste les jambes. Ouais. Vraiment, ça se concentre uniquement sur le bas du corps. Ça a pas fonctionné, visiblement. Bah, ça, si, ça a fonctionné, ça a cartonné même, mais pendant 3 ans. 2 ans, allez. 2 ans. Danse de salon, oui. Donc le Madison et le rock and roll. Ce qui nous amène donc à parler de musique maintenant, forcément. Évidemment. Et de la musique qu'on en écoute sur format vinyle. Ouais. Okay. Avec notamment le 33 tours qui sort en 1948. Donc le 33 tours, c'est ce qu'on a encore maintenant hein, sur les vinyles. C'est le format classique, le grand format hein. Et 45 tours qui étaient les plus petits pour les singles. Tu vas nous demander ce qu'on écoutait peut-être à l'époque. Vas-y, Elvis, je pense. Il y avait du Elvis, oui. Les Beatles. Les Beatles aussi dans les années 60, ouais. Je sais pas, les Rolling Stones. Ouais, aussi, fin des années 60, oui, ouais. J'ai plus rien d'autre. C'est déjà pas mal. C'est grand nombre. Merci, j'ai déjà deux noms. On les écoute donc sur vinyle. On peut les transporter dans les soirées et les caves, ces vinyles, parce qu'on a ce qu'on appelle des électrophones. Donc ce sont des petites platines vinyles sur lesquelles t'as un haut-parleur d'intégré. Tu le rentres dedans. C'est transportable. Alors tu as les mangeurs. Ouais. Mais sinon t'as les électrophones qui se cassent en deux, ou qui s'ouvrent, ils se cassent pas vraiment. Mais T'as compris l'idée. Ouais. Et puis en 1963 arrive la cassette audio, qui pour la première fois permet la copie, des compiles, des échanges, des bootlegs, la transformation, enfin bref, tout ce qui enrage les maisons de disques forcément, mais qui fait le bonheur et le partage de la musique qui la rend encore plus populaire que ce qu'elle était, puisque elle se diffuse très largement. Il y a les mini cassettes aussi qui sont sorties en 1969. Ouais, bah t'avais ça. Alors moi je me souviens avoir c'est eu comme ça. Une cassette, mon mini. Sur un enregistreur. Tu sais, les petits enregistreurs, les dictaphones. Ah oui, d'accord, le format vraiment très petit. Oui, quoi. C'est d'accord, ça. Okay. La même chose que. C'est tout mignon. Okay. Les plus grandes, mais c'est plus petit. C'est ça. Tu vois l'idée. Et dans les autoradios, alors ça, je me rappelle pas du tout. En même temps, j'étais pas là dans les années 50 et 60, mais les autoradios, on avait la possibilité d'avoir des cartouches 8 pistes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'était, tu vois, ce que tu avais sur. C'est très américain. Hein. C'est très américain, ouais. Ce que tu avais dans les Nintendo ou les Sega, etc. D'accord, des cartouches vraiment. Ça ressemble un peu à ce style-là. C'est un truc vide un peu quand même, quoi. C'est pas lourd. Truc en plastique. Okay. C'est l'ancêtre de la cassette, en fait. D'accord. Hein. Oui. D'accord. Mais ça, ça sortait du son 8 bits, ça aussi c'est non, 8 pistes. Ouais. Pas 8 bits aussi, parce que. Non. C'est pas un jeu vidéo. Les cartouches, t'avais Mario et t'avais la cartouche sans le jeu, mais juste la musique. Oui, voilà. Donc, ça, c'est pour les supports. Et puis. J'en reparlerai peut-être après. Non, en 59. J'en parlais tout à l'heure du rock'n'roll. On découvre Salut les copains sur Europe 1, qui est la première émission de rock à la radio produite pour les jeunes, puisque avant c'est vrai que la radio c'était plutôt un truc pour les vieux, enfin pour les adultes. Allez. Tu vois, tu parlais d'informations, parlais de choses comme ça, mais c'est vrai que la musique était pas forcément c'était mis pas en la avant fête, quoi. Et là on diffuse du rock'n'roll et ça cartonnait cette émission. Il y a un créneau à prendre auprès des jeunes, j'imagine. Ah bah carrément. Il y a pas eu des magazines aussi, enfin plein de choses autour de ça. Si, mais bien sûr. Bah après la pop culture s'en est mêlée, il y a les magazines pour les jeunes, etc. Mais là, pour te faire une idée de à quel point ça cartonnait, Teddy, c'est qu'il y a la moitié des adolescents des années à partir de 1959, 60, tu vois que c'est passé en quotidienne, qui écoutaient Salut les copains en rentrant de l'école. Donc autant te dire que ça a cartonné. Lutterbach, il nous dit quand j'ai eu ma Bouygues, j'avais encore l'autoradio 8 pistes et quelques cartouches. D'accord, ok. Bon, bah, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble vraiment l'autoradio avec cartouche. De voir ça en vrai, ça me j'ai ferait plaisir. J'ai une cartouche Mario. Oui, non, mais ça je connais. Ça, j'ai connu. On revient sur le sport ou les loisirs. Ouais. Et là, il y en a un qui unit les garçons et les filles, c'est le vélo, la bicyclette. Déjà hein. Ah bah oui déjà oui. Ah bah le Tour de France déjà. Alors le Tour de France, tu sais que ça date du début du siècle hein, D'accord. Et sache aussi pour la petite anecdote qu'à partir de au moins je sais pas la première mais au moins la deuxième édition, il y a commencé à avoir de la triche. Ah. Donc tu vois tout ce qui est histoire de dopage, etc. C'est pas de comme le monde. Au début, ils jetaient des clous sur la route pour les cyclistes d'après. C'est donc... pas de la triche, c'est un obstacle, c'est pas pareil. C'est pas très classe. C'est Mario Kart quoi. C'est... Bah oui, attends. Pas une banane, mais c'est pareil. On adore tous Mario Kart, donc c'est pareil. C'est l'idée. Bon bref, non, dans les années 50, honnêtement, tout le monde a un vélo et on en fait tous, même si c'est pas forcément, comment dire, il y a pas, on l'utilise pour tout usage, même s'il y a pas les vélos adaptés, il y a pas de bicross, il y a même pas de VTT, c'est pas tout ça. Un vélo, d'un vélo, il y a pas 36. On peut le transformer, on peut l'améliorer, mais souvent on l'utilise jusque le qu'il tuning soit, déjà. Il soit mort. Quoi, mais c'est pour faire du sport ou c'est pour se déplacer pour le coup? C'est pour les deux. Les deux, d'accord. Et tu pour s'amuser t'amuser. Aussi. Bah, ouais. Pour t'amuser, mais souvent le vélo était reste même peut-être encore plus maintenant qu'il y a quelques années, mais le moyen idéal pour les jeunes de se déplacer. Ça coûte rien, c'est les jambes des jeunes qui doivent se déplacer proche de chez eux. Oui. Parce moi, que je c'est me suis pas beaucoup déplacé en vélo, si tu veux, jusqu'à mon permis de conduire. Ah. Voilà, maintenant, il va chercher le pain avec sa voiture. Oui, ben ouais. Ça va. Encore plus basique, on va dire, il y a la marche à pied. Bien ah bah évidemment. Oui. Au mieux, on va faire son tour dans les bois. Au pire, oui. On s'engage comme scout pour faire le Tour de France avec la tente canadienne. Ouais. Oui. Un kilomètre à pied. Ça use. Mais ma tante, on en avait marre au bout d'un moment à vouloir retourner au Canada. Ah, la tente, oui. Ah. Pardon. Oh, c'était une blague de merde. Quelqu'un était scout ici? Non, non, Linda, non. On voit que tu connaissais la chanson, mais oui. t'as pas été jusqu'au bout. Je suis allée en classe de verte, donc je chantais. Ah, mon fils aussi, avec l'école? Oui. Ok, t'as été où? Traire des vaches dans la ferme? Non, dans les Alpes, mais bon, bref. C'est bien. Plein d'expériences, mais voilà. Plus pop culture, on a aussi le patin à roulettes. Ah, alors, il oui. vient évidemment des States. Ah, ouais. Les 4 roues, pas encore les lignes. Hein. Ah oui, pas les rollers. Ah bah non. Donc dans les années 50, aux États-Unis, il y a plus de 200 universités et 5000 écoles publiques qui l'ont intégré dans leur programme scolaire. Génial. Bon, nous en France, on est très très loin de ce compte-là. Ouais, mais on crée des pistes après, des pistes de. Pas ici, pas en intérieur, France. Non ah, alors en intérieur, ça c'est pareil, c'est très américain. C'est-à-dire que là-bas, ils ont. Alors attends, comment ça s'appelle? Les skating rings. Ouais, c'est des patinoires, d'accord. Mais avec des rollers, quoi. C'est ça. En gros. Et tu fais des soirées, tu vois, où t'ambiances et tu génial. Mets, allez, là on y va plus vite avec les lumières, tu etc. Tu picoles, tu essayes de rouler, tu te pètes la gueule. C'est certainement. C'est magique. Voilà. C'est marrant, ça me fait penser à un film dans Stranger Things. Il y a un petit moment où elle lui pète la gueule à la nana et ils sont dans un roller. C'est du derby, ça. Le derby, sport très américain aussi. Oui. Ouais, c'est brutasse. C'est sur des patins. Ouais, les patins. D'accord. J'ai pas compris le concept à part se foncer dedans, mais. C'est ça, ils se tapent dessus un peu. Ouais, c'est violent. J'ai toujours pas compris comment gagner des points. Il y avait une boîte de nuit à Paris en patin roulette. Ah. Dans à partir de quand, tu sais, je pense que c'est fin des années 60, début des années 70. D'accord. Ouais, ça a mis 10-15 ans à arriver en France. Vous êtes allé. Vous avez profité non, de ça? Non, j'étais trop jeune. Ah, trop jeune, d'accord. Il y a encore des Disco Blade en France, environ 4-5, ça doit s'appeler comme ça, des Disco Blade. Génial. C'est quoi, c'est des salles avec des boules à facettes? Des boîtes avec... J'imagine que c'est des salles qui font et roller et discothèque, quoi. Ouais, ah bah oui, pardon. C'est fun, j'adore. Ouais. Ouais. Bref, nous en France, on n'a pas tout ça, mais on s'amuse où on peut. Ouais. Contrairement à forcément quelque chose qui mérite une infrastructure, c'est la natation. Ah, dans les années 50, il n'y a pas vraiment encore d'infrastructure, c'est plus le lac ou la rivière du coin. Ouais. Mais à partir des années 60, là, on ça a les piscines, les piscines communales, les piscines publiques, notamment les petites localités. Il y a des entraînements avec des maîtres nageurs, tout ça, c'est cadré. Ah bah ça se cadre, et puis en fait, il y a un programme. À la fin des années 60, parce qu'on est quand même en déficit de piscine, il s'est passé plusieurs accidents qui font qu'on se dit que ça serait bien que les Français apprennent à nager à un c'est moment vrai. Donné. Et c'est obligatoire après, c'est ça? C'est pas que c'est obligatoire, mais il y a un plan du gouvernement qui veut qu'il y ait beaucoup plus de piscines, notamment dans la ruralité. D'accord. C'est là qu'il y a par exemple les piscines tournesol. T'as déjà Qu'est-ce vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben moi j'ai connu les piscines tournesol, figure-toi, parce que quand j'habitais en région parisienne, il y en avait une. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas de vanne qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce qu'une piscine c'est, tournesol? C'est la bordel. Forme, c'est alors, quoi ça a la forme en vrai un peu tournesol. Ouais. Pas... C'est rond un tournesol. C'est la piscine est ronde. D'accord. Alors non, le bâtiment est rond, tu vois. Ouais. C'est une sorte de dôme. Ok, ouais. Et la piscine elle est sympa parce que elle s'ouvre en été. Tu vois, elle est fermée et t'as une partie à peu près un tiers du bâtiment qui s'ouvre, c'est tu vois, génial. Qui, comme ça. C'est et, ça. Ouais. Et t'as la piscine qui se retrouve à l'air libre l'été. C'est classe. D'accord. Et c'était des petites piscines puisqu'on est sur des bassins de 25 mètres et qui étaient préfabriquées, donc qui arrivaient par grands morceaux et qui étaient assemblées sur place, qui ne coûtaient pas cher et qui a permis notamment dans cette opération qui était baptisée l'opération des 1000 piscines, développer plus de 700 piscine en quelques années. Ça, ils ont raté leur objectif. Pour atteindre les objectifs, ouais, exactement. Mm-hmm. Ça a favorisé l'apprentissage de la natation et ça permettait aussi d'essayer d'avoir des meilleurs nageurs parce que notamment aux JO d'été en 1968, on était très mauvais et on avait un peu le seum. Donc augmenter le niveau. On va faire en sorte que les années suivantes, on soit plus discret, misons sur l'avenir. Exactement. Donc voilà pour ce qui est de la piscine. Quoi d'autre, à votre avis, les années 60, on voit apparaître aussi, ah ouais, petit aparté, mais les premières piscines privées. Alors c'est réservé aux riches, bien sûr, on est d'accord, mais voilà, il y en a. C'est là où ça commence à apparaître. Ouais. Ce qui est beaucoup plus populaire, par contre, c'est comme activité sport, c'est les jeux intervillage. Ah, Interville. Interville. Alors magnifique. Évidemment, le concept est popularisé par Interville, l'émission télé qui apparaît en 1962, qui sera diffusée pendant 50 ans. Il y aura une petite pause, mais c'est 50 ans. Parce qu'en fait, le programme le plus long jamais proposé à la télé. Télé qui, d'ailleurs, au passage, dans les années 50, noir et blanc, est encore loin déjà d'être un objet populaire. Et de deux, évidemment, c'est en noir et blanc, puisque la couleur, ça sera pour les années 70. Même s'il y a eu des petits tests dans les années 60, ça sera pour 70. En tout cas, ça fait parler et ça inspire ces intervilles. Et ce qui fait qu'avec peu de moyens, finalement, on peut organiser des petits jeux intervillages. Génial. Avec des jeux qu'on considérait comme vachement dangereux aujourd'hui. Style traverser une poutre avec du savon, tu vois, sur... voilà, bon, t'imagines... T'as pas ça dangereux ? Bah, c'est-à-dire que... Pense à tes parties. T'es parti, ouais. Pense à ta tête, pense à tout à ça, tout, et fait. Tu te dis que oui, ça peut être dangereux. Il si y a plus dangereux quand même. Mais c'était marrant. Oui. Et puis ça faisait affronter les villages, tu vois, façon guerre des boutons. Voilà, chez nous, c'était Inter 6. Inter 6 Ah oui, parce que c'était avec la 6. Avec la 6. Génial. Un petit ruisseau. Enfin, petit là, fleuve, vous deviez passer des bons moments là, à ce moment-là, ça devait être sympa. Petit fleuve, t'es gentil. Très bien. Ouais, bah oui, non, mais ça devait être, c'était sympa, ouais. J'ai fait des intervillages quand j'étais jeune. Toi aussi, mais t'es né dans lesquelles années, toi? C'est bizarre, ça, ouais. Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai gagné le concours. Ils étaient en retard chez toi. Ils faisaient des skis pour 4 personnes. Une paire de skis pour 4 personnes. Ah ouais. Et du coup, tu devais avancer synchrone. Ah, mais oui. Parce que si t'avances pas synchrone, c'est compliqué. Bah, tu te pètes la gueule. Bah ouais. Je vois le concept. C'est marrant. Lutherbach, il nous dit fin des années 60, il y a un sport en vogue, c'est la boxe française. Ah, c'est possible. Ouais, surtout en compétition. Après, je sais pas si dans les clubs locaux, si c'était si beaucoup proposé, mais c'est vrai qu'en compétition nationale, ouais. Je reviens sur le cinéma, parce que le cinéma, alors c'est on a plus dans les sports, mais dans les sorties, c'est très populaire à la fin des années 50, et notamment grâce à la production française qui, après la guerre, était un peu en déficit, forcément, donc les Américains sont arrivés avec leurs blockbusters, etc. Ouais. Et nous, en France, on s'est dit, ça serait bien qu'on arrive à relever le niveau. Donc on a créé le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie, et c'est en 1946, qu'a lieu également le premier festival de Cannes. Qui donne donc un coup de boost au cinéma. Tu vois, le festival de Cannes, c'était vraiment c'est pour classe, mettre en avant les productions françaises. Et dans les années 50, on va deux fois plus au cinéma que maintenant. Bah oui, c'était 57-58, tu vois, c'était vraiment étonnant. Le pic de sortie au cinéma. Peut-être parce que ça coûte. Bah parce que la télé derrière, parce que la multiplication des autres loisirs, tout ça qui ont bien fait sûr. Que par la on suite, a choix, quoi, on a eu le choix, c'est ça, ouais. Et puis en parallèle, il y a bien sûr les théâtres. Alors, on va discerner deux types de théâtres. Tu as les théâtres. Les classiques, les pièces d'opéra. Ça, c'est un peu réservé à papa-maman parce que ça coûte cher, c'est dans des grands et beaux théâtres, etc. Et puis t'as les théâtres de village qui existent encore maintenant où là, c'est plus populaire. Et là, Les marionnettes. Ouais, est-ce qu'il y avait du stand-up? Encore les enfants, tu vois, les guignols, c'est les enfants. Il y avait peut-être déjà du stand-up à l'époque, un peu de le même genre. C'était tu pas vois. Pareil. Non, mais pas le même, mais tu vois. Le... C'était non pas développé pareil. D'accord. Non, très clairement, non, c'était pas. Non. D'accord. Non. Et puis, nous, pendant ce temps-là, en tant qu'adolescents, pendant que les parents sont au théâtre, tu vois, nous, on va dans les bars et on va jouer au flipper, au baby-foot. Mais alors, oui. Baby-foot, c'est 13 années 50-60. Le flipper, ça arrive à la fin des années 60, mais ça sera très populaire après dans les années 70. Même les années 80. Quoique dans les années 80, ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui supplante les flippers, ce sont les bornes d'arcade. Parce que c'est l'arrivée du jeu vidéo. Forcément. Bon, les flippers ont un petit peu moins la cote. Mais je sais pas si vous avez déjà regardé des reportages sur les jeunes des années 60 ou 70 où le flipper c'est. Il y a que ça, c'est la vie. Ah, c'est la vie, ouais. Bah ouais. Quand tu t'ennuies, tu vas au flipper. Hein. C'est donc, génial. Voilà. Ouais, j'avoue. Donc. Voilà pour le petit topo des activités, liste non exhaustive bien évidemment, hein, mais des activités des jeunes dans les années 50 et 60. C'était déjà sympa. Où on découvre finalement le loisir, parce que c'est vrai qu'avant, malheureusement, pour c'était les générations... Très... Le seul loisir que t'avais, c'était d'aller bosser au champ avec ton papa. Ça c'était pour te divertir. Non, le loisir, c'était plutôt aller à l'école, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'était un luxe. Même. C'était un luxe carrément. Nous, sur Indie Star, c'est pas un luxe d'écouter de la musique. Ah non. Bah non. On va c'est écouter une reprise Savage Love de Jason Derulo, reprise par Emma Easter. Easter. Comme Pâques. Easter. C'est Pâques en anglais. Bah je crois. Hein, Oui, ça doit être ça. Bah oui. Ouais. Bon. Et bon, on l'écoute. J'ai fait peu d'anglais, mais quand même. told you I thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, falling first. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know he creeping, I feel it in the air. Every night and every day I try to make you stay, but your savage love did somebody, break your heart. Looking like an angel, but your savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love, your savage love, love, love. You said this love, love, love. You can use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't coming, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling, falling first. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day I try to make you stay, but your savage love did somebody, break your heart. Looking like an angel, but your savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love, your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You can use me, 'cause I still want that. Your savage love, hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Oui, ça se passe ici. Bah, ou là-bas, ça dépend. Ça dépend d'où est-ce que vous nous écoutez au final, parce qu'Indestar, on est un peu partout ici, en fait. Mais c'est aussi là où, bah, où vous écoutez. C'est international, effectivement. Exactement. Et peut-être même au-delà. Peut-être. Sait-on jamais ? As-tu réfléchi à ça déjà ? Au petit bonhomme vert. Imagine. Bah, il dit téléphone maison. C'est très pop culture en même temps. Ouais, mais si. C'est vrai. Je sais pas si sur son téléphone, il avait de quoi écouter la Indestar. Attends, quoi, tu imagines pas que sur le téléphone de E.T., il n'y ait pas la possibilité d'écouter Indestar ? C'est obligatoire. Dans mes souvenirs, ils ont un téléphone qui tourne comme ça, tu vois. Non, non, mais non, ça c'est. Non, non. Ça, c'est chez le Elliot. Ouais. Bah oui, c'est en France. Oui. Enfin, en France, non, mais aux États-Unis, mais voilà. Ce qu'il faut, mais, dans les années 80. Ouais. Mais E.T., il regarde le téléphone, il te dit, mais ça, c'est complètement dépassé. C'est moi, ça. Chez moi, je peux écouter Indestar. Ça n'existe pas encore, mais j'aurai la possibilité. J'ai tout, de... j'ai les podcasts, j'ai d'ailleurs, tout, pareil. Exactement. Tu t'en parlais tout à l'heure, le vélo, c'était populaire. Donc, E.T., est-ce que toi, tu faisais ça du vélo et tu conduisais des extraterrestres à part ta sœur, évidemment Quand j'étais petit. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. On fait des bisous à ta sœur. Bien sûr, je pense que le vélo, on a tous fait du vélo ici. Ah, mais t'emmenais des gens sur ton vélo avec sur le panier devant. Ouais. Il faut faire un cliché. Dans le panier, non. Non, bah, c'est compliqué. Mais assis devant t'es ou assis trop lourd, ma soeur, dans le panier. T'as vu mon gabarit. Avant, ça se faisait à l'arrière. Tu te camboulais les gens sur l'arrière. Il y avait des gens dans une grille, des fois. Tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, pour c'est bagages. Pour des bagages. Ouais, c'est ça. Il y a des qui faisaient ça avec les enfants aussi à l'arrière. Ouais, chacun son délire. Quand t'avais pas de siège auto, c'était le panier oui vélo. Ouais. C'est vrai. On va s'intéresser aux années 60 et 70 maintenant, plutôt avec la jeunesse de notre invité du soir, Pascal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Alors, toi, c'est plutôt les années 70, hein, puisque... Oui, enfin, 60, 70. Il y a un événement qui a énormément marqué le monde. Enfin, en France, c'était les événements de mai 68. Mm-hmm. Mais ces événements, ils ont eu lieu un peu partout dans le monde, aux États-Unis, dans tous les pays de l'Est. Il y a eu énormément de changements à partir de 68. 68, c'est une date historique et butoir pour le monde entier. Donc, Libération des mœurs. 1968. C'est une libération des mœurs et il y a eu un vent de liberté qui a suivi tout ça. On peut dire ça a commencé en 1970 et à partir de 1970, les choses ont été qui ont commencé dans les années 60. Écouter de la musique, par exemple, bon, mm-hmm. c'était du rock and roll. Hein, alors même s'il y avait effectivement les Beatles et les Rolling Stones dans les années 60. On peut dire que le rock'n'roll, y compris tout ce qui en découle, hein, le hard rock, ouais, particulièrement, tout ça, ça a explosé dans les années 70. Donc les jeunes dans les années 70 ont énormément écouté de la musique. Parce que tu dis ça s'est démocratisé, mais est-ce que les groupes, justement, ils ont eu plus de liberté? Ils se sont dit là on peut se lâcher produire. Ils se sont créés leur liberté. Ils se sont créés la liberté. Bon, ouais, les Who, hein, ouais, les comment il y a eu Genesis. Qui ont commencé à cette époque-là, mmh, il y a eu les Pink Floyd. Ouais. C'était peut-être plus facile de se faire connaître, entre guillemets, ou de partager sa musique. Non, c'est que tout le monde écoutait, donc il y a le marché s'est ouvert. D'écouter, du coup. Mmh. Le marché s'est ouvert. Oui. Et le prix des électrophones, qui dans les années 60 était extrêmement élevé, dans les années 70 ça s'est démocratisé. Ouais. Et voilà, c'est les radiocassettes aussi, dans les années 60. Ça permettait de diffuser cher, effectivement la musique partout. Donc tout ça s'est démocratisé. Ouais. Et donc on est sur la continuité avec une explosion sur certaines choses. Bon, on parlait tout à l'heure du flipper et du baby-foot dans les années 60, ça a effectivement commencé à ce moment-là, mais les gens se sont sentis plus libres et les jeunes sortaient plus. Ouais. Alors, on n'était pas embêtés par la télévision parce que peu étaient intéressés véritablement à regarder la télévision toute la journée. N'oublions pas qu'il y avait une chaîne. Oui. Après, c'était trois chaînes. Hein, et puis, ouais, c'était un peu encore, on disait tout à l'heure pour la radio, mais c'était un peu la reine d'Angleterre. Non, mais la télé pour papa-maman, quoi. C'était pas du divertissement, quoi. Voilà, si, il y a eu la Une est à vous dans les années, d'accord, 75 qui, ouais, ont commencé à arriver. Mais bon, disons que les jeunes sortaient. Ouais, les jeunes sortaient profiter, beaucoup, ouais, beaucoup plus. On était tout le temps dehors. Donc le vélo, oui, énormément. La mobylette, déjà, peut-être. La mobylette, oui. Alors ça, la mobylette, dès 14 ans. Hein. Ah ouais. Et puis après, à 16 ans, c'était la 125. Ouais. Hein, et à 18, bien sûr, la voiture. La voiture. Ah, la voiture, c'était... Tel Graal, un peu, quand même. Hein. Enfin, tout le monde voulait avoir son permis à 18 ans. Mais tout le monde le passait à 18, ouais, ans, son permis. Il n'y avait pas de gens, non, moi je veux pas te conduire de voiture, t'étais obligé, quoi. Bien, ouais, sûr. Bah, surtout en milieu rural. Alors, ouais, toi, pour bien se situer, toi t'as vécu un petit peu les deux, t'étais plus en vacances en milieu rural, mais et dans la vie de tous les jours en milieu urbain. Mais est-ce qu'il y avait pas quand même est-ce que tu voyais pas une différence entre ta vie de citadin, non, et ta, non, vie. Non, véritablement la voiture c'était pour tout le monde. Moi je me souviens d'avoir été à l'école en voiture. Hein. Ouais. Parce que j'avais le permis à 18 ans et j'allais à l'école en voiture. Donc on parle bien sûr de pas l'école primaire. Non. Non, bah non, à 18 ans, il a peut-être passé à l'étape supérieure quand même. Mais du coup, c'était peut-être plus accessible à cette époque-là, le permis plus comme oui, maintenant. Oui, quoi. Oui, c'était, ouais, tout à fait accessible. Bah déjà, il, ouais, y avait pas d'heure minimum. Hein. Moi, j'ai passé le permis, j'avais 4 heures de conduite. Ah ouais. Ça savait pas conduire. Oh, d'ailleurs, moi, j'ai mon permis, rose, j'ai vu une voiture. Hein, donc et mon père a passé le permis, il est pas monté dans la voiture. Quoi. Hein, donc, ah bah voilà, oh, il a, okay, vu une voiture. Il a vu une voiture. Oui. Sur une image, on lui a présenté une photo. C'est ça, c'est une voiture. C'est bon, tu as ton permis. Donc et mon grand père, je crois que quand il avait pas de permis, on lui a donné. Ouais. C'est, ouais, à la mairie, il a été le demander le permis quand il a été obligatoire, ouais, et il a été le demander. Oui, il a eu la voiture avant d'avoir le permis. C'est en fait, ça. Il a, excellent, eu la voiture avant d'avoir, ouais, le permis. Donc bon, tout ça, ça a énormément changé. Bon, c'était beaucoup plus facile d'avoir le permis et tout le monde avait, mmh, le permis et tout le monde avait sa voiture à 18 ans. C'était la fête en vrai. Bah, parce qu'on est quand même dans une époque. C'était autre chose parce que n'oublions pas qu'on n'était pas à l'intérieur, on n'était pas chez à soi. À l'extérieur, ouais. On, mmh, était obligé d'être à l'extérieur, il n'y avait rien à l'intérieur. Oui. L'idée c'était de sortir de chez soi, de faire des activités, voilà, et il fallait forcément se déplacer. Alors, énormément les copains. Hein. C'était bien, plus social, sûr, justement, mieux, ah, que maintenant. Tout à fait, oui. Ouais, tu te retrouvais dans un squat. Non, pas dans un squat. Dans un square. Dans un square. Un terrain désertique. Cliché, terrain vague. Ouais, c'est un peu cliché quand même ton truc. Ouais, hein, j'avoue. Je parie que ce cliché est vrai. Bah, oui, c'était, sûr, les champs aussi. Il y avait beaucoup de terrain vague. C'était après la guerre. Non, mais même, des terrains, attention, même en ville. N'oublions pas que dans les années 60, moi, je suis né 15 ans après la fin de la guerre. Mm-hmm. Quand j'ai habité dans la banlieue parisienne à 10 km de Paris. dans une ville qui s'appelle Le Plessis-Robinson, il n'y avait que des champs autour. Hein. Bye. Moi, quand j'allais chercher mon père, je traversais les champs de vaches. Avec... Alors... J'allais chercher mon lait à la ferme dans le... avec mon pot à lait. Hein. Justement, ça aussi, ouais, c'était à la mode, ça. C'est... Aller à la ferme d'à côté, aller chercher... Ah, mon père, il faisait ça aussi, figure-toi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant, oui, mais parce que... à 10 km de Paris. Là, c'est à 10 km de Paris, ouais, et en pareil. Fait, t'as grandi dans les nouvelles cités HLM, ouais. En fait, qui venaient d'être construites, donc c'était assez surprenant, parce que tu avais, effectivement, la confrontation de la ville, la nouvelle ville, et de la campagne. Alors, nouvelle ville qui s'accompagnait à cette époque-là d'une voiture obligatoire, parce qu'on était excentré de la ville, ouais. Donc à chaque fois qu'on voulait aller faire des courses, des choses comme ça, parce que les années 60, c'est aussi l'émergence des premiers supermarchés, de tout ce qui est... voilà, la façon très américaine, hein, d'aller prendre sa voiture pour aller faire n'importe quoi, finalement, parce qu'il n'y avait pas de commerce de proximité. Mais vraiment, le contraste entre l'ancienne campagne et la nouvelle ville qui s'affrontait au même endroit. Et, ouais. Et tu reparlais de, enfin, tu parlais de 1968 tout à l'heure. Qu'est-ce que toi, personnellement, vu que tu es né en 61, donc tu étais jeune quand tu as vu ça, est-ce que tu as des souvenirs est-ce que ça t'a marqué cette période? Et est-ce que toi, comment tu l'as vécu, en fait, ce changement? Est-ce que tu as... Par rapport à... ça c'est tout de suite vu. Déjà, ouais. À l'école, on est passé du congé du jeudi au congé du mercredi à l'école, mm-hmm. à partir de 68. Donc, c'est passé en mai, donc à la rentrée du septembre 68. Donc, ça a été marqué par énormément de petites choses qu'on n'a pas compris tout de suite. Parce que, bon, pour qu'une une telle révolution, parce que c'était une révolution, hein, ni plus ni moins, soit intégrée dans les mœurs, il a bien fallu attendre 2 ans 70. Ouais. Et quand ça a été intégré, ça a explosé tout de suite. Et c'était un vent de liberté. Alors on peut dire aussi que dans les années 60, c'était assez bon. Il y avait le rock and roll, le twist. Il y avait des gens comme Johnny Hallyday, les rockers et rockeuses, hein, bon, qui étaient un peu libres. Hein, Brigitte Bardot, tout ça, ils ont donné la mode. Mais les gens eux-mêmes dans les campagnes ou dans les villes, ils étaient quand même assez coinsos. Hein. Ah. Donc dans les années 70, ben, c'était quand même la révolution sexuelle. Ouais. Alors, quant à... bon, j'avais donc 10 ans en 71. De 71 à 75, la ligne est courte. Oui. Donc, ça a été tout de suite... bon, on va voir les filles, quoi. Hein. C'est pas l'époque Peace and Love et tout ça, là, un peu ? Si, c'est ça. Ah, mais 68, on est là-dedans. Ouais, ouais. Mais y a, en fait, 68, il y a vraiment eu un... comment dire ? Une révolution entre... C'est Woodstock ? Non, c'est quoi ? Woodstock en 69. Ouais, 69, premier festival, ouais. Mais... Du coup, c'est quoi 68, mais 68, 68, les pavés et tout ça. Ils ont retourné tout. Sur les pavés, la plage. C'est vraiment l'époque où les adolescents, du coup, de l'époque, hein, les jeunes adultes, on dit merde à leurs parents, tu vois. Avant, t'avais une sorte de hiérarchie, de respect. Que c'est, est-ce que t'as entendu parler le Cold Bandit, par exemple, qui est... Je connais Clean Bandit. D'accord. Il y a tout à refaire. Il y a pas mal de choses à faire. J'ai dit Woodstock. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pas mal. Woodstock. Est-ce que tu peux me citer au moins un artiste qui était présent à Woodstock? Non, ça sera pour l'année prochaine. Non. Alors, Jimi Hendrix. Un groupe hippie. Voilà. Un groupe. Bah oui, forcément. Mais bon. Jimi Hendrix. Oui, c'est vrai. Jimi Hendrix. Mort à 27 ans. Oui. Club des 27. Bah, t'avais Janis Joplin d'ailleurs qui est morte à 27 ans, qui était aussi Woodstock. Ça, c'est un ancien quiz qui revient ou c'est bien? De quoi? Non. Bah, ta réponse là, t'as dû savoir, c'est que c'est un rapport avec un quiz. Non, c'est que je le sais parce que c'est célèbre. Bon, pour la petite histoire quand même, pour nos auditeurs, Woodstock, c'est le plus grand concert que le monde ait jamais connu. D'accord. Woodstock Festival, qui d'ailleurs ils ont voulu le refaire. Enfin, il y a eu deux autres éditions, une édition qui était mi-catastrophique et une émission qui était catastrophique. À ce point? Ouais. Woodstock 99, il y a un reportage qui est d'ailleurs dispo sur Netflix. C'est quoi la raison? C'est le choix des... Ah, c'est un ensemble de choses qui ont conduit à une catastrophe au point que tout a brûlé. Il y a plusieurs choses en fait qui ont fait que, tu vois, il y avait le choix des artistes qui étaient des artistes assez violents, enfin on va dire dans l'idée, Steel Corn, etc., tu vois, et puis tu avais les conditions qui ont fait que la bouffe trop chère, la canicule, tout pas de boisson, pas de machin, tout a pris feu, quoi. Voilà. Oh là là, d'accord. C'était sympa à l'époque. Bon, en 69, Woodstock était une catastrophe aussi parce que l'organisateur est parti avec la caisse.

L'agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers se déroule sans accro. Ça se déroule toujours sans accro. Toujours sur Indestar. A priori, oui. Jusque-là, ça se passe plutôt pas mal. Par contre, comme dans l'agence touriste. Moi, j'ai pas le camion de l'agence touriste. Tu l'as, toi, ce camion? Le camion de l'agence touriste. Ouais, ils ont un gros fourgon. Un fourgon. Tu connais pas l'agence touriste? Mais si, bah, l'agence je l'ai touriste. Pas en tête. Ouais, non, mais j'ai pas le fourgon. Sérieux? C'est quoi, c'est un truc si, américain? Bah ouais, ouais. Ou américain, je sais pas. Y a pas un gros bélier devant ou un truc comme ça? Oui, alors oui, il défonçait des trucs. Ouais, alors c'est cheaté, hein, mais oui, il défonçait des trucs facilement avec. Il est noir avec du jaune dessus, je crois, non? Ouais, je crois. Ouais, ou un liseré rouge, je crois. Ouais, quelque chose. Bah, on l'a pas. Dommage. Bah non. Sur Indestar, on a de la musique, mais on n'a pas le fourgon. Tu veux pas qu'on ait acheté un fourgon carrément? Les gars, pour Indestar? On va acheter. Écoute, ça. Écoute, maintenant que t'en parles, c'est pas bête. Ok, d'accord, on va y penser. On y pensera, mais pour le moment. On va se concentrer sur l'émission du soir. Ouais. Revenons sur notre jeunesse. Pascal nous parlait d'adolescence, il nous parlait de mai 68, il nous parlait de sa jeunesse. Pascal, tu jouais à quoi, toi, en particulier? Je sais pas, si on devait citer trois trucs que tu faisais souvent quand t'étais ado, c'est quoi? Alors, ado, il y a plusieurs périodes. Il y a plusieurs ados, ouais. dans le début de l'adolescence, vers 11-12 ans, le vélo. C'était les petites voitures aussi. Ah, beaucoup, les petites voitures. Le vélo, oui, les bien Hot sûr. Les Hot Wheels? Non, c'était trop récent. Non, c'était les petites voitures, je suis désolé. Il n'y avait pas d'anglais à l'époque, c'était les petites voitures. Pas d'anglais, ok. Mais par contre, j'ai vécu une deuxième révolution. C'est l'arrivée des jeux vidéo, les premiers jeux vidéo dans les années 75. Ans. Qu'est-ce que t'avais de beau? Ben Pong. Pong. Alors Pong, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un carré, d'accord, qui représente une balle avec deux barres de chaque côté. Et ça rebondit. Tu joues au foot, grosso modo. Au ping-pong. Oui, au ping-pong. Ça va d'un côté à l'autre et tu dois pas laisser passer effectivement la balle. Et donc c'était exceptionnel ce truc à l'époque, non? C'était absolument exceptionnel. Alors au début ça coûtait cher, mais ça s'est vite démocratisé. Mm-hmm. Alors dans les années 75 sont sortis aussi les premiers ordinateurs. Donc ça s'est démocratisé après avec l'arrivée du PC dans les années 80. Mais bon, déjà dans les cafés, les bornes d'arcade commençaient à arriver. Donc le flipper a été supplanté très rapidement, entre 77 et 80. C'était le Facebook de l'époque, le café du village, il nous dit Lutherbach. Et la blague, c'est qu'après, on a réinventé les flippers sur PC. C'est ça que c'est bien. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que la boucle est bouclée comme ça. Voilà, alors beaucoup de choses là-dessus. Ça a énormément bougé autour des jeux vidéo et des premiers ordinateurs. Alors, en France, ça a été un peu plus long, mais aux États-Unis, ça a énormément marqué son monde dans la fin des années 70. Ceci dit, ça a beaucoup plus explosé dans les années 80 en France. J'ai l'impression, alors quand on regarde les pubs de l'époque de la fin des années 70, alors surtout les pubs américaines, mais que que l'ordinateur, le personal computer, était vraiment avant tout destiné au ludique. Qui avait pas encore. C'était pour apprendre, T'avais pas League of Legends dessus. T'avais pas encore, des vrais systèmes d'exploitation et Plus, tu pouvais taper en ligne de code, en ligne de commande, c'était beaucoup plus. Alors, t'avais du côté purement ludique et puis t'avais le côté un petit peu programmation. C'est ça. Où tu pouvais, t'avais des bouquins. C'était pas donné à tout le monde finalement. Il fallait être intéressé quand même, un minimum. Fallait être intéressé, mais t'avais quand même. C'était extrêmement cher. T'étais pas touché. Dans les années 80, ça a commencé à bien se développer. J'ai acheté un Apple IIe. Il a fallu que j'économise. Je l'ai acheté 12 000 francs en 1978. C'était beaucoup. Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Cherche pas, ça fait beaucoup. Ok. Ça fait quelques mois de salaire. Ça fait l'équivalent de 12 000 euros aujourd'hui, hein. Franc égale un euro? Avec l'inflation, en franc constant. Ouais. La vache! Ouais. Ça fait mal, hein? Ouais. Donc forcément, c'était pas démocratisé. J'avoue. Mais ça faisait rêver, beaucoup plus. Je comprends mieux aujourd'hui, évidemment. Mais pourquoi tu es aussi intéressé par l'informatique? Déjà à la maison, il y avait ça, quoi. Alors moi, j'avais ça à la maison, étant petit, pareil, j'avais l'ordinateur. T'as toujours eu, il y a eu toujours un ordinateur à la maison. C'est vrai. J'ai toujours eu des chiens. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Après, moi, je me rappelle, les premiers souvenirs que j'ai de l'ordinateur, c'est effectivement, c'était les grandes disquettes souples. Et plus tard. Hein. Quoi? 3 pouces 1 quart, oui, non, c'est ça. 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, ouais, pardon, ouais. Oui, c'est les plus petites. Donc les grandes disquettes souples. Et pour lancer ces disquettes qui contenaient des jeux, tu rentrais ta ligne de commande avec le. Et elles étaient vachement souples. L'entertainment.machin.exe, la claque, et puis ça lançait le jeu. Vieux souvenir. On mettait plus de temps à le lancer que jouer des fois. Après, il n'était pas hyper moderne parce que, bon, quand même, moi je suis né en 87, donc j'ai ces souvenirs-là au début des années 90. C'était pas l'ordinateur dernier cri qu'on avait. Non, c'était pas le dernier cri, non. Mais même, ouais, l'affichage n'était pas fou, c'était des pixels. Alors, tu vois, c'est marrant parce que ça, encore une fois, c'est entre les souvenirs qu'on a et la réalité. Mais dans mon souvenir, genre. Alors qu'au final. Mais c'est ça, il y avait par exemple un jeu de voiture. Moi j'adore les jeux de voiture, j'adore les voitures. Maintenant, il a vu des carrés se déplacer sur un écran, il a rien. Bah, j'ai revu le jeu, si tu veux, de l'époque, avec effectivement le son, c'est même pas du 8 bits, hein, c'est du. Je sais pas. C'est un truc du 2 quoi. Bits. C'est tout ce que ça fait, tu vois. Et ouais, bah, quand tu y rejoues maintenant, ça a un décalage absolument phénoménal. Mais heureusement. Mais alors que dans tes souvenirs, t'as l'impression que c'est la réalité, tu vois, que c'est les graphismes, ils sont géniaux. Alors pour votre intérêt, j'ai un Flight Simulator version V1.0. Oui. Je me rappelle aussi de celui-là. Ça, c'est référence. Acheté aux États-Unis, qui tournait sur PC. Donc, c'était la version V1.0, elle date de 1981. Mm-hmm. Ah ouais. Flight Simulator, le premier. C'était, ouais. Il y en a qui cherchaient. Et il te marquait Crash. Parce que tu savais pas vraiment que tu t'étais crashé, voilà, tu vois. Donc vraiment, il te marquait crash. Ah, là, je suis mort. Je pense que tout va bien et en fait, non. Mais là, déjà, on est vachement loin. C'est vachement bien, déjà, à cette époque-là. C'est déjà 81, le début. C'est 81, déjà c'est la sortie. En 80, sont sortis les PC. Mm. Les PC tels qu'on les connaît, hein, sous MS-DOS, donc Microsoft. Ouais. Mais bon, avant, il y avait quand même des systèmes d'exploitation, hein, CPM, etc. Mm. Et pour clore les années 70, donc c'est véritablement la voiture et le jeu vidéo. Ouais, voilà. Il n'y avait pas les POG ou les BIN. Oh, non, le c'est POG, bien après, c'est les années 90. 90. On va en reparler, ça, c'est mon enfance. Pas taper. Pour moi, c'est très ancien. Ah bon, non. Alors, non. Si on veut revenir, si tu veux, dans les années 60, il y avait les osselets et les billes hein, aussi. Oui. Ouais. Pour les enfants, bah oui. J'ai toujours eu des osselets en fait, toutes les générations. Et surtout les billes, parce que les billes ça existe toujours. Tu n'es pas qu'à mon avis, ça n'existait pas. En Égypte, ça n'existait pas. Période égyptienne, alors que les osselets. Non, non, mais oui, d'accord, si tu remontes si loin. Bah oui, mais c'est là, on est dans la pop culture après-guerre, là. Au final, les osselets, c'est un jeu qui est. Je dirais pas que c'est l'un des premiers jeux, mais bon, tu joues avec des morceaux d'os. Oui. Il y en avait à la préhistoire. Bah, voilà, c'est dans les cavernes, ils jouaient à ça. Voilà. Donc, c'est l'un des plus vieux jeux. C'était le copain qui était mort la semaine dernière. Oh, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Bah, attends. T'as perdu, tu fais l'osselet. Oh, non. Ouais, mais il était vieux, il avait 30 ans quand même. Hein. C'est bon, sinon, et après, qu'est-ce qu'on avait de beau alors? Qu'est-ce qu'on avait de beau tu veux dire à la fin des années 70? Ouais, je sais pas, on a fait le tour pour les 70? Oui, alors bon musicalement hard rock hein. Mmh. Ouais. Et on peut dire... AC/DC. Oui, par exemple. c'est de 76, 74, 76 AC/DC. Mais après sont arrivées des choses beaucoup plus discutables que ce qu'ont été le disco. Ah, autre chose. Pourquoi tu dis ça comme ça? Il y a une raison, t'as pas apprécié ou qu'est-ce que... J'ai pas l'impression hein. Ouais, non, bah voilà, ça a tout cassé. Comment l'avez-vous deviné? Alors le disco, on est quand même, parce qu'on parle beaucoup du disco, mais on est quand même sur une période très courte hein. Le disco c'est 77, 79 ou 80, tu vois. Mais après à peu près comme la tectonique été... ouais. Non, 82, 83. Oula hein. Non, après on est passé sur la dance, c'était du funk, c'était tout ça, tu ouais, vois. Bon, c'est pas mieux, mais bon. Il en faut pour tout le monde hein. Il en faut pour tout le monde. Non, je suis... Il en faut pour tout le monde. Alors, voilà. On bouffait la viande et on gardait les os, nous dit non, sur les os. Évidemment. Ouais. C'est pas de gâchis. Mais, toi, non, mais il y a quelque chose quand même qui va avec la musique. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Woodstock, c'est que les concerts. On a peu parlé de concerts, mais ça commence à se développer à ce moment. Je me rappelle des souvenirs que tu m'as raconté de notamment des Pink Floyd qui arrivaient dans la fin des années 70 sur des scènes et des infrastructures, si tu veux, qui étaient ouf. Ah ouais. Pour l'époque, quoi. Bah pour l'époque et même encore pour maintenant. Enfin, je veux dire, il y a évidemment des évolutions dans l'éclairage, dans le son numérique, etc. Mais je veux dire, les installations étaient grandioses. Grandioses. Ouais. Il y avait oui, spectacle-là. Le son numérique, tu parles du son numérique. Le son numérique n'a quelque part rien apporté à la musique. Non, hein. Non. Les concerts, c'était plus lourd parce que c'était analogique. Mm-hmm. Donc, c'était des amplis à lampe, etc. Donc, c'était plus lourd et ça demandait beaucoup plus de moyens techniques. Mais sinon, les concerts, c'est toujours été à peu près... équivalent. Alors après, c'est les moyens. Effectivement, si on prend les Rolling Stones, pour, hein, que ce sont les plus vieux, allez, qui tournent encore aujourd'hui et qui ont commencé dans les années 60, début des années 60. Non, Mick Jagger est toujours vivant. Il est chez notre toi. Voisin en plus. Ouais, c'est en plus. Ouais. Donc, ces gens-là, après, ils ont eu tellement de moyens qu'ils se sont permis de faire, des concerts à Paris dans les années 90-2000 avec 48-38 tonnes. Ah ouais, ça rigolait pas. Et remplir le Stade de France, quoi. Ouais. Hein, bon, dans les années 60, ils faisaient aussi des super concerts, ils remplissaient les stades, mais au début, la technique, ils n'avaient pas trop de moyens, et pour effectivement sonoriser un stade, ça demandait des moyens extraordinaires. C'est pour ça que les Beatles ont fait un concert, des concerts dans les stades en Angleterre qu'on n'entendait pas. On les entendait pas. Ils ont fait un concert à Wembley. Les fans, les femmes, j'allais en parler. Criaient tellement qu'on n'entendait pas ce qu'ils chantaient. À cette époque-là, c'était, y avait des fans, des groupies, quoi, qui étaient à fond, quoi. Alors dans les années 70, effectivement, avec la démocratisation, comme on a dit tout à l'heure, hein, tout s'est démocratisé, les moyens de diffusion, etc., y compris le matériel professionnel. Hein, ouais. Donc, ils se permettaient de mettre des millions de watts dans un stade. Les groupies avaient beau crier, ils entendaient tout. Hein. Puis il n'y avait pas de limite, tu sais, de son pour les oreilles. C'est après qu'on s'est dit « tout le monde est sourd, on va peut-être faire quelque chose par rapport à ils ça ». Ils n'entendaient plus rien, c'est bizarre. Là, c'était nos limites, quoi. Nos budgets, nos limites. Un quoi. Concert, par exemple, un concert c'était les Pink Floyd au château de Versailles, où ta mère, Yann, c'est carrément évanoui. Et les pompiers sont arrivés, ils ont demandé héroïne. J'ai dit non, son. Musique trop forte. Excellent. Teddy. Ouais, alors. Je sais pas comment rebondir sur cette Non, mais simplement que là, on a parlé des années 50, des années 60, des années 70. On va évoluer un petit peu encore après. On va évoquer. Alors, 80, toi, c'était la fin quand même de ton adolescence, Pascal. Linda, t'étais un peu jeune aussi. Je suis née en 82, donc. En 82. Donc, c'est vrai que les années 80 va peut-être faire court là-dessus, même si on a des idées, parce qu'il y a énormément de choses de pop culture dans les années 80. On parlait des jeux vidéo. Alors, bon, ça s'est un peu cassé la gueule dans les années 80. Mais bon, après, c'est revenu à la fin. Le cinéma est reparti aussi. Enfin, ça a toujours été. Mais la télévision, les années 70, on était sur la télé de papa-maman. Autant dans les années 80, on a fait du divertissement à tout va. Hein. Mm-hmm. C'était vraiment les années divertissement dans les années 80. Tout la était télé, pour c'était... la blague. Ouais, bien sûr. Voilà. Et là, évidemment, nous, on va aborder plus après les années 90, qui globalement étaient des années un peu plus noires. Les années 80, il y a quand même quelque chose de super important pour toi, pour vous et cette magnifique radio qui est une des stars. Ce sont les radios libres, bien sûr. Évidemment. Mais ça, c'est vrai qu'on en a un peu déjà parlé en travers. Mais c'est vrai que les radios libres en 1981, avec la libération de la bande FM, a fait beaucoup pour la pop culture et pour la liberté d'expression pour les jeunes en règle générale. C'est vrai que techniquement, nous ne serions pas là sans eux parce que nous sommes une radio libre aussi. Non, mais c'est vrai. Les radios et la télé aussi qui a été libérée, parce que c'est vrai que jusqu'en 1981, tout était géré et conditionné par l'État. Donc ça veut dire que même si, parce qu'on parlait d'Europe 1 tout à l'heure, Europe 1 était ce qu'on appelait les radios périphériques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de France. Ouais. Ils émettaient des pays alentours et ils diffusaient tellement long avec la bande AM que les grandes ondes que ça diffusait chez nous. Mais en France, on avait que des France Inter qui faisaient le programme que le gouvernement voulait bien qu'on fasse. Donc forcément, ça limitait un petit peu les choses. Quoi. Bon. Là, nous, sur Indestar, je suis tellement libre que tu vois, si je veux, je balance une musique. Comme ça, voilà, direct. Comme ça, moi, je suis comme ça. Mais c'est marrant, ça ressemble un petit peu à Coldplay. C'est vrai. Et ben là, c'est Go avec son titre Home, maison. Indestar, c'est un peu notre maison au final. When you were just a child. Mama called, come back, go home. You think about every morning. you find some way. Fly, reach the nest and go home. Go home, go home. Dancer, fire for a day, fire for a day. Everything's okay. Dancer, everything's okay. Fire for a day. If you never try, you will never know. Don't forget to smile, you get my true show. Dancer, everything's okay. Fire for a day. De la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Vous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh, peut-être bien que oui. Est-ce qu'on est vraiment trop vieux pour des conneries? Non, non, mais c'est marrant parce que tu vois, l'arme fatale, les années 90, la pop culture, les films. J'ai pas connu l'arme fatale. Et c'est exactement ce en quoi on voulait aborder le sujet maintenant sur Indestar, puisqu'on parle de l'adolescence et des différentes périodes. Donc on a fait les années 50, 60, 70, 80. Là, on commence à rentrer dans le bon truc. Et là, on commence à rentrer dans notre adolescence avec Linda. Oh la vache. Mais c'est plus la mienne. Ah non, c'est plus la tienne. Non. T'étais grand déjà. T'étais déjà grand, ouais. Je vois sur le téléphone de Linda, il y a des trucs avec des gens avec des vêtements fluo. Oui. Un peu à la Désigual. Ah, c'est les années 80, ça, les vêtements fluo. Là, le tutu YouTube et compagnie, c'est quoi. C'est pas beau. Ouais. J'ai pas dit que c'était beau, mais tu sais, il y a des. C'est la mode, ça, hein, ça revient régulièrement. Hein. Non. Mais super, ça reviendra pas. Tenue de sport, mais très colorée. Oui, je vois. Ouais. Je vois très bien de quoi tu parles. Alors là, on parle de séries, on parle de films. Est-ce que toi, Linda, dans les années 90, ton adolescence a été marquée par quel type évidemment. De. Évidemment. Si je vous dis Beverly Hills. Ouais, c'est une ville américaine. Ouais, non, mais la série est très connue, évidemment. J'ai pas vu. Ah, c'est pas le truc avec des sauveteurs en mer, là. Non, ça c'est Alerte à Malibu. Ça. Oh, t'es dit. Là, aucun. Non, là, c'est que des jeunes et ils vont au pitch. Est-ce que le générique de la série fait Beverly Hills? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ah oui, d'accord. Ça y est, je la vois. Pour voilà, aller voilà. La faire toute à la bouche. Donc, voilà. Mais en vrai, voilà, c'est ce que je regardais en général quand je. Ok. Je crois que c'est le soir vers. Ça, souvenir d'adolescence, c'est ouais. Beverly Hills. Ah ouais. Tu parlais hors antenne du Prince de Bel Air. T'as ah, suivi oui, dans les années 90 bien sûr. Aussi, c'est évidemment. Excellent. Mais il y en a tellement. Enfin, je fais This pas tout. This is a sorry. All the band. Je fais pas tout citer. Ah bah je sais pas, mais c'est peut-être un peu avant Punky Brewster. Tiens, ça me vient. Ça là. Me dit rien du mais tout. Mais si, c'est une petite brunette là. Ouais, mais c'est vieux tout ça. Est-ce que t'étais une fan du Club Dorothée dans les mais années évidemment, 90 évidemment. Qu'est-ce qu'on a été triste quand ça s'est arrêté. Ah, je m'y retrouve les mangas. Un peu plus. Est-ce que tu as acheté les Est-ce que t'avais ta carte du Club Dorothée? Non, mais j'ai mieux que ça parce que je me rappelle d'un truc. Quand j'avais fait une fête d'anniversaire de Noël, pardon, pas d'anniversaire, avec le boulot de ma mère, on a eu la chance de voir les Musclés, figure-toi. Les Musclés et Carlos à l'époque. Aïe, c'était aïe, aïe. Exceptionnel. Bah j'imagine, ouais. Donc les Musclés, c'est et qui faisait une série d'ailleurs dans oui, le club Dorothée et qui était aussi un groupe, ouais, oui. les Musclés, ouais, la Merguez, ah oui, ou la Merguez Party, enfin tout ça. Oui, mais attends, le club Dorothée, c'était pour les enfants, pas mais pour oui, les ados. Mais c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oh, c'est bah, on a regardé tard certains. Il y avait des mangas quand même. En fait, ouais, ouais. Le club Dorothée, il y a eu plein de choses faut parce que méfier, il y avait ouais. les dessins animés, mais il y avait aussi les sitcoms. Donc Hélène ouais, et les garçons. Bien sûr. Hélène et les garçons, horrible. Typiquement, c'est pour les ados, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Ils sont toujours à la cafette. Bah, c'est série AB, quoi. C'était la grande ouais, époque des séries AB. Non, mais attends, ils continuent sitcoms. Maintenant avec les Mystères de l'amour. Ils oui. savent toujours pas jouer. Oui. C'est mais ça disons que maintenant les ados, si tu veux les Mystères de l'amour, je suis pas sûr que ça soit vraiment destiné pour eux. Mais ça se regarde pas trop. Ça reprend le principe de Friends, non? Alors. Non, moins bien. Ouais, Friends c'était le haut du gratin américain voilà. De la sitcom, ouais. tu vois, comme ouais. Le Prince de Bel Air, c'est pareil. Nous en France, les séries AB, c'était vraiment tu c'est fais des trucs avec. Ouais, c'est les pommes pourries. Avec peu de moyens, ouais. avec notamment les musclés. Tu vois. Ouais. Non, mais c'était marrant à l'époque. Ouais, avec oui, Gueux. Quelle époque, hein. Quelle époque. Vraiment, c'est le genre de truc qui a vieilli, mais bon, c'est vrai que c'était. Tu c'était veux que je te donne un autre et souvenir. Et les mangas, c'est vrai que c'est le début des mangas avec le Club Dorothée. Bien sûr. Tu veux que je te donne un autre souvenir que j'ai là qui vient là. Les boys band oui. ou les girls band ah bah oui. les to be free les to be les free, to be free. Ah, c'est bon je l'ai placé partir un ouais, jour exactement. Alliage tout ouais. ça tout ça ouais. le groupe de filles comment ça s'appelle Totally Spice avait... Totally Spice ah, ah, oui. ça c'est un dessin animé non ça c'est un dessin animé les dit. Spice Girls les Spice Girls Old Sense aussi j'allais dire mais les L5 ouais, mais ça c'est peut-être non les peu... L5 c'est plus récent c'est, bah, c'est les années 2000 c'est français surtout c'est Popstar les L5 enfin bref voilà c'était une époque ok en musique alors en musique, qu'est-ce qu'on a à part les boys band et les girls band à l'époque, je sais pas, mais moi j'ai un souvenir de rock voisine. Je sais pas si c'est la bonne époque. Je suis pas si, sûr. Oh bah si, ouais, les années 90, c'est rock voisine. T'écoutais ouais. quoi comme style de musique? Ah, tout. J'aime tellement la musique. Est-ce que t'aimais l'Eurodance? Parce que ça, c'est 13 c'est années quoi, 90, l'Eurodance. C'est quoi exactement? C'est Corona avec The Return of the Night. Sûr, c'est Dr. Alban avec. Mais oui, tout ça. Ouais. Ah ouais, c'était. Non, mais je te vois bien aimer l'Eurodance. Alors, je t'explique juste un truc. Mon papa était DJ ah, quand oui. j'étais jeune. Donc, voilà. forcément, il passait tout ça. Quoi. D'accord. Chez moi, il y avait tout ça en fait. Hein. Moi, je suis dans mon univers là. Ouais. Ouais, All ouais, That She Wants aussi, c'était. Ouais. All That She Wants and another baby. Je reconnais. J'ai pas envie de. On va arrêter parce qu'on va perdre tous les auditeurs si on continue. Non mais ce qui est marrant c'est que dans les années 90 c'est la grande période de l'Eurodance mais c'est aussi la période du grunge ouais. avec je prends Rage Against the Machine mais il y en a plein d'autres ouais. qui sont arrivés ouais, et tu as le retour ouais grunge rock tu vois Nirvana évidemment ah, on peut pas évidemment. Passer à côté de Nirvana oui. Donc il y a vraiment les deux plus le début du rap en France hein, avec ouais. des groupes aussi connus que NTM ou IAM toujours voilà. les mêmes hein. Bah, toujours ouais, les mêmes parce que c'est vraiment bah il y avait tragédie non aussi. Il y avait non ça c'est les années oh, 2000 non, ça dit... c'est non, du R&B en tragédie. Plus mais non t'avais MC Solar aussi ouais, si ça. Tu vas ouais. par là oui bah, et tout le mouvement acid jazz aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous avez un bah, titre peut-être à pas nous... chez les ados hein, quand même hein. Bah comment Jazz Mataz ouais moins déjà moins. Ouais, moins ouais, quand même. Ouais, je ouais. crois, ouais. ouais. Je connais même pas ce style musique-là. Acid jazz. De l'acid jazz, ouais. Qu'est-ce que c'est un mix entre le rap et le jazz. Ouais. Ah, mais il y a ouais. eu beaucoup... électronique. Non, mais il y a eu beaucoup de mix dans ces années-là. C'est-à-dire entre le rock et le rap. Tu avais notamment, alors c'est un petit peu plus vieux, c'est la fin des années 80, mais c'était comment? C'était. Ah, j'ai plus le titre en tête. Non, je l'ai perdu. Bon. Enfin, il y a eu des mix comme ça entre plusieurs styles. Ouais. Et quelque part, on avait moins peur, tu vois. Après, ça s'est plus catégorisé. Genre, t'aimes le rap, donc t'as ça. T'aimes d'accord, le rock, t'aimes ouais. ça. Voilà. Avant, t'avais pas de catégorie, tu créais et puis voilà. Bah, tu créais. Mais ça tient aussi aux radios. qui dans les années 80 et 90 était encore très généraliste. C'est-à-dire que par exemple, Rock, ouais. T'avais pas de radio rock, si ce n'est aller, on va dire, IFM à Paris, tu enfin, c'était un peu. Que tu voulais vraiment. Mais si tu prends les radios nationales jeunes, tu prends, je sais pas, t'avais Fun Radio, t'avais Skyrock, etc. Carbon 14, c'est avant. Mais voilà. Mais ces radios-là, par exemple, sur Fun Radio, tu pouvais avoir du Rise Against the Machine, tu vois, du Nirvana, et puis derrière, un titre de Corona. Ah ouais. Et ça choquait personne, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait pas ça. Bah, c'est pas que c'est choquant, mais c'est des styles qui sont très différents et qui aujourd'hui on dit ah ouais, mais t'aimes tel style donc tu vas écouter telle station, etc. Ça a commencé vraiment à trouver son style dans la deuxième partie des années 90. D'accord. Où il y en a un, moi je vais faire du rap, moi je vais faire du rock, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Mais avant, voilà, tu me prenais tout dans une grande bassine, tu tournais et puis tu diffusais quoi. Oh là là, donc, ça c'était Linda. Ça c'était Linda. J'en ai encore un dernier, si tu veux, c'est Guns N' Roses du coup. Ah, les Guns N' Roses, bien sûr, bien sûr. Je connais de nom. Oui, c'est bien. J'ai déjà vu. Bah, non, Marie chantait ça. Avec Alex Roses. Oui, On a même ouvert notre bar. C'est vrai qu'on a fait du karaoké aussi sur des Guns N' Roses. Je me rappelle de ça. C'est le groupe. Ouais. Le groupe. Qui a d'ailleurs remplacé le chanteur d'AC/DC il y a pas très longtemps. Ils se remplacent tous parce qu'ils ont des trous. Bah, non, mais il peut avoir la même voix s'il a envie. Oh, bah, d'accord. Bah, voilà, c'est comme ça. Donc là, c'était dans les années 90. Ouais. Après, là, il y a les années 2000. Moi, je vais parler de mes souvenirs des années 90. Mais c'est vrai que moi, mon adolescence, c'est plus les années 2000. Et oui, bah c'est un peu plus loin que toi. J'allais te lancer là-dessus. Vas-y, c'est gentil. Parle-nous de ta période de skate où t'as essayé et que t'as perdu. Vas-y. Alors, le début des années 2000, c'est vrai que alors c'est le retour fin des années 90 du rock et du grunge, mais fin des années 90, début 2000, c'est ce qu'on appelait le skate rock. Ouais. Et le skate rock, c'est tous les groupes d'Amérique côte de l'Ouest, c'est-à-dire y avait Offspring, il y avait les Red Hot Chili Peppers, il y avait Green Day, et puis Avril Lavigne arrive. Voilà, on comprend pourquoi t'as cet amour pour ce style de musique. Du coup. Bah parce que c'est mon adolescence et je disais que ça a marqué. Voilà, donc moi. Pas du tout parce qu'elle est jolie. Aussi. Ah évidemment. Et qui est associé au skate, c'est pour ça qu'on appelle ça skate rock. Mais après, il y avait Sum 41, Blink 182, tout ça c'est en fait. C'est l'époque baggy un peu, chaussures. Exactement. Tout ça. Ouais, d'accord. On avait ce style cool, tu vois. Ouais. Même si on n'était pas, mais particulièrement. Mais... Non, mais tu vois, il y avait cette esprit là Et à la maison on écoutait beaucoup de rock'n'roll quand même hein, d'une manière générale alors plus de ton côté que côté maman hein, clairement ouais. Mais, ah bah là c'est donné en concert ouais non, non. C'est ça depuis qu'elle s'est évanouie elle a arrêté le rock'n'roll c'était non, trop pour elle c'est, non mais la musique en règle générale c'est plus côté papa que côté maman d'accord voilà donc ça m'a permis moi aussi de développer ce que j'aimais mais évidemment on dit ce que j'aimais mais c'est ce qui passait aussi à la radio et à la radio à l'époque oui et puis c'est ce qui découlait aussi des groupes des années 70, 80, 90, 2000, comme les groupes que tu as cités de la côte ouest des États-Unis, c'était les mêmes. Hein, dans les années 70, 80, ils ont évolué, ils ont changé de partition, mais c'était le même son, quelque part. Le son, on n'avait pas changé. Hein. C'est juste qu'ils sont redevenus populaires au final. Ouais, il y a eu un grand mouvement au début des années 2000 qui s'est transformé. Bah, ça n'a pas duré hyper longtemps en fait. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à la période de mon adolescence, on va dire entre 98 et 2005. Tu vois, durant ce laps de temps où des radios comme Europe 2 par exemple passaient à fond ce style de musique-là, qui a peu à peu découlé sur quelque chose de beaucoup plus consensuel, qui était le rhythm and blues version moderne, qu'on appelait ça le R&B, où tu avais du tragédie. Par exemple, tu vois. Là, on est sur un. Enfin, je vais pas critiquer. Non, mais là, tu vois, t'as pris le pire exemple en vrai. Ouais, hein. Peut-être. Comment ça ? Il y a pire. Mais on n'est pas effectivement sur des bases très sereines. On est d'accord. Mais le R&B, mais c'était aussi des chanteuses très pop hein, qui sont mises au R&B. Notamment, comment elle s'appelle, celle qui est malheureusement qui est décédée dans un accident d'avion ? Alia. Alia, oui. Alia, oui, oui, oui. Voilà. Il y avait du Britney Spears en pop. Il y avait. Enfin, ils se sont tous mis à faire ce type de musique qui ont remplacé peu à peu en fait les guitares tu vois Rihanna c'est arrivé au même moment ou c'est Rihanna après c'est plus tard c'est plus ouais, tard ça, c'est moi ça c'est plus tard mais ouais, c'est la connais. Deuxième partie des années 2000 du Rihanna du Katy Perry du Lady Gaga à la fin vraiment j'ai spoilé tous ceux que je connais pardon ah, t'as dit. Bah, voilà. et à la télé pour faire une petite aparté alors on disait en antenne tout à l'heure et moi j'ai suivi alors j'étais plus enfant mais le Hit Machine ah mais oui qui était pas une émission Charlie très qualitative quand on y regarde rétrospectivement. Enfin, Charlie et Lulu, bien. Je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu. Voilà. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille, tout ouais, ça c'est, ça. Ah, c'est le Hit Machine. Et où on suivait les clips en revenant, moi c'était en revenant de l'école, hein, mais on suivait les clips, il y avait la macarena, il y avait tout ça. T'es allé voir Charlie et Lulu? Je suis allé voir, j'avais 20 ans avec mon petit cousin, on était à Paris, on s'est fait plaisir et c'est excellent. Ok. Et c'est jusqu'en 2005, il me semble, ça a duré assez c'était tard. C'était sur la fin, le Hit Machine. Et en série télé, alors moi je me rappelle, début de mon adolescence, j'aimais beaucoup une série avec AD2A qui passait en revenant de l'école. On avait Sister Sister qui venait d'Amérique, qui est encore disponible sur, sur Netflix Amérique si vous vous mettez avec un VPN américain. Voilà, vous la regardez en anglais par contre. Ils nous donnent toutes les astuces. Les astuces. Il y avait Undo Stress. C'est de la danse, ça, non? Bah, ils veulent en ressortir une nouvelle saison. Oui, ils veulent faire un reboot. Ouais, mais Undo Stress, c'était une école de danse. Ouais. Alors, c'était une série espagnole. C'est ça. Horrible. Bah, j'ai regardé, c'est horrible. C'est AB Productions, c'est pareil. Non, c'est mieux joué. Ah, c'est mieux joué. Ah, on est dans les années 2000 quand même. C'est mieux joué, c'est discutable parce que c'est toujours pas des acteurs, c'était des danseurs de base. Oui, mais. Parce qu'il fallait qu'ils sachent. Ils jouent pas si mal que ça. Ils dansaient bien, mais ils étaient pas bons acteurs. C'est ce qu'il en sera d'ailleurs. Ils sont peut-être meilleures danseuses quand même. Il y a avec deux qui savaient jouer encore. Hein. Non, j'ai souvenir de tout ça. Et puis après, des rediffs du Prince de Bel-Air, de H aussi, qui était sur Canal+. Bah justement, quand j'avais été, j'avais vu Eric et Ramzy. Ok, qui a fait naître plein de talents. Et tu parlais du stand-up tout à l'heure, à cette époque-là. Jamel Comedy Club. Notamment. Mais oui, avec Jamel. Alors après, le Jamel Comedy Club, parce que c'est Jamel qui a lancé ça, mais c'est la période Jamel, c'est la période Gad Elmaleh, c'est la période Kadé Olivier, c'est Eric et Ramzy et compagnie. Voilà, d'ailleurs, ils sont encore à la télé. J'ai vu encore une pub aujourd'hui avec eux, quoi. Ah oui. Sur, je vais pas citer, mais bon, on les voit encore à la télé. Bien t'imagines, sûr. Ils sont encore là, quoi. Et ils jouent au cinéma. Et ils ont une longue carrière par la suite. Mais je sais pas votre avis, mais Eric, il me disait, ouais, ils sont pas drôles. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un humour spécial. Ils sont très controversés, effectivement. Ouais. Surtout en ce moment, ils sont très critiqués par la jeune génération. Pas que on la a jeune, pas le même humour, je crois, en fait. Non, mais ils sont finis, en fait. Là, ils ont essayé de faire un truc. Il y a des gens qui disent que c'est super. Mm. La plupart disent que c'est nul. C'est sur un film, c'est quoi? C'est comme les Astérix. Ouais. Moi, je suis très. Comment dire? Là-dessus, je suis mitigé dans le sens où, par exemple, tu vois, un Jamel, autant dans H, je le trouve très bon, autant d'une manière générale, dans un sketch, je le trouve pas si bon que ça. Ça dépend. Voilà. Ouais. Eric et Ramzy, c'est pareil, ils sont très bons dans certains jeux d'acteurs. Par contre, en dehors de ça, sur du sketch, etc., je les trouve un peu lourds. Ouais. Par contre, Gad Elmaleh, tu vois, je le vois aujourd'hui, je le trouve toujours aussi bon. Alors, t'en as certains qui vont dire, ouais, il est passé, ceci, cela. Je trouve pas en fait. Non, il reste sur la même ligne en fait. L'humour, il est toujours là. Je le trouve pas plus lourd. C'est différent. Lui. Il y a eu des affaires, il y a eu des choses qui sont passées, tu vois. Mais sur son humour, c'est un mec de scène. Il était bon en tant que stand-upper. Ouais, je trouve. Clairement. Il l'est toujours, en un sens. En tant qu'acteur, bon. En tant qu'acteur, il est moyen. Ouais, il est moyen. Mais oui, c'était plus dans son éthique de stand-upper qu'il a été critiqué, et c'est pour ça qu'il, tu le vois plus trop sur scène hein, de toute façon. Voilà, c'est juste pour ça. Mais après, oui, il faisait bien quand même. Pas te mentir, j'ai vu des sketchs comme "Qui veut gagner de l'argent en masse". Ouais. Excellent. Ah oui. Excellent. Mais c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai souvenir de Gad Elmaleh. Tu vois, dans mes années lycée, c'était vraiment le stand-upper à suivre. Tu vois, ces spectacles. L'autre, c'est moi. Il y avait quoi ces spectacles-là, tout le monde les connaissait par cœur. La cigarette, le mec au téléphone qui rappelait les papiers de tout ça. Enfin, si je comprends bien, l'humour et tout ça était vachement présent. C'était pas ça se développait beaucoup. Ça se développait en fait. Ouais. Ce type d'humour là. Ouais. Ce type d'humour là et qui est né en partie aussi à la radio parce que Gad Elmaleh dans les années 90 c'est Europe 2 la matinale avec les premiers sketchs et tout. D'accord. Et on en a pas parlé mais évidemment dans les années 90 et les années 2000 à la radio il y avait les radios libres. Oui. Les radios libres alors qui étaient pas les radios libres des années 80 qui étaient vraiment Difool par exemple. Bah Max Difool, Maurice il est encore là Difool Max. Il est toujours là, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était un petit peu la messe du soir pour tous les ados. Qui se couchaient tard. Surtout les années 90 d'ailleurs, Love in Fun, qui était la première émission. On parle de sexe à la radio en toute liberté, on décroche son téléphone et on appelle, etc. Et on dit ce qu'on veut. Ouais. Ça réunissait plusieurs millions d'adolescents chaque soir sur la radio. des jeux très simples, hein, des jeux pour Fun Radio par exemple. Ce matin j'ai écouté Fun, un jeu où tu envoies un SMS la veille pour pouvoir participer le matin. Ils avaient 107 propositions. Ce qui est nul. Ouais, c'est nul à chier. Attends, t'es en train de dire que t'écoutes une autre radio. Ouais. Attention, t'es dit. Le matin. C'est pas moi qui choisissais. J'ai été dans une nouvelle boulangerie. D'accord, je peux pas. Ça va. On t'excuse. Mais sinon, voilà. C'est une des stars. Dès demain, il y a une des stars. Dans la boulangerie. Exactement. Ouais, je vais m'installer mon petit. Non, tout ça, ça s'est aseptisé. Alors, on parlait de la télévision dans les années 80 tout à l'heure, et la radio, c'est vrai que c'était pareil. C'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Dans les années 90, ça s'est un petit peu cadré, mais le soir, dans la radio libre, il y avait des choses qui étaient testées. Il y avait des choses un petit peu folles, quoi. Ça débordait encore. Ouais. Ça débordait pas mal d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été, réclamées par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les années 90. Parce que l'idée, c'est que chaque directeur d'antenne poussait ses animateurs aussi à dépasser les limites. Sauf qu'au bout d'un moment, tu dépasses, bah, tu limites la limite générale, tu fais une boulette. C'est pas l'époque de Koé qui commençait aussi ? Aussi, bien sûr. Alors, de Koé, Michael Youn, tout ça Michael Youn, c'est plus tard. Hein, début des années 2000, Michael Youn, mais Koé, oui, qui d'ailleurs s'est fait sanctionner bien à la radio parce que débordement. Arthur, évidemment, l'animateur le plus con de la bande FM, comme il se définissait, débordement aussi. Oui. Forcément, à un moment donné, il y avait Manu avec Manu Lévy, qui est toujours d'actualité sur Énergie le matin, mais qui était avec JC le matin sur Skyrock en matinale. Ouais. Pareil, débordement à un moment donné avec les monstres. Mais on a testé, ça marchait bien. Ouais. Et le soir, les jeunes ne regardaient pas la télé dans les années 90, ils écoutaient la radio. Et oui. J'ai fait partie de cette génération-là où le lendemain, à la cour de récré, ah, t'as suivi Max hier soir, ah ouais, c'est passé ça. Excellent. Je vais te décevoir. Mais dans les années 2005, fin des années 2000, on va dire, hein, vers 2010, on va dire. On n'écoute pas la radio. La radio, c'est pour la mode. C'est non, nous déjà, on a les téléphones. À l'adolescence, on les a déjà. Ah ouais. Donc bon, on va sur Internet, on regarde des trucs drôles à la rigueur, bien sûr. Bah, des vidéos de chat sur YouTube, ouais, c'est le début. Hein. Pas de chat, non, pas au collège. Facebook aussi. Début des réseaux 2004, sociaux. Facebook. Donc, c'est 2004. Ouais. D'accord. Et 2005 YouTube. Donc tu vois, moi, ça les correspond messages, à ma période pas adolescence, mais BTS. Après bac, et arrivée de YouTube, arrivée de Facebook, arrivée de tout ça. Tout qui a bougé d'un coup là. Qui a changé les choses. On rappelle l'arrivée d'Internet quand même en 1996. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, mais la démocratisation, c'est la DSL. Et la DSL, pour nous, alors à la campagne, c'est la deuxième partie des années 2000. En ville, c'est plus le début des années 2000. Mais ça a mis du temps à arriver quoi. Moi j'ai eu l'internet à 15 ans, donc j'ai commencé super tôt. C'est vrai. Ouais, ah, travaillé sur les chats et tout, caramel, tout ça. Ouais. Bah moi j'y allais aussi, mais 2 minutes 30 quoi. Ah, bah oui, parce que le temps que ça se connecte, puis tu sais, ça coupait la conversation téléphonique, et puis t'avais un forfait décompté d'AOL de 2 heures, tu vois. Ouais. Donc forcément, tu pouvais pas y aller longtemps. Ouais. Et mais puis le temps que ça souvenir. Se connecte, déjà, coup, c'était la fin quoi. Je pense qu'on a passé vachement de bon temps, tous ceux qui ont eu cet accès assez tôt en fait. Ouais. Ce qui était pas ton cas d'ailleurs, toi, Teddy. Non, même moi déjà, j'étais un exclu dans ma propre génération. Mais bon. Internet, tu l'as eu en 2019 quoi. Ouais. Oh là là, c'est pas si loin. Au final, au lycée au final, mais bon, oui, donc on a eu une grosse période dessin animé, manga, ça a explosé totalement. Ouais. Alors ça continue de monter. Hein, Club Dorothée, ça a lancé quelque chose dans les années 2000. Tu regardais sur quelle chaîne du coup les mangas? Alors ça passait c'était dans Midi les Zouzous par exemple. Ah. T'en avais disséminé en fait, dans Midi parmi, parmi les dessins animés, t'avais Olivier Tom par exemple dans Midi les Zouzous. C'était Gulli alors, non? Il y avait Gulli aussi. À l'arrivée de la TNT, c'est 2005, ouais. Ah ouais. Donc il y avait des mangas un peu à droite à gauche. Alors fallait encore regarder sur la télé, hein, il n'y avait pas les plateformes de streaming et tout ça à l'époque. Ouais, machin, ouais. Fallait quand même attendre des créneaux. Il y avait des phases. Ouais. J'ai un truc qui me vient à l'esprit là. Tu parles de la TNT, de l'arrivée de toutes ces nouvelles chaînes un peu bas de gamme, faut l'avouer, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Je parle de NRJ 12, l'Europe de TV, etc. Et tu avais des émissions comme Next par exemple. Ah, tu te rappelles de Next? C'était des garçons, il fallait les tester, puis ils dégagent. Là, quoi. C'était d'un nul. Alors t'avais le Next américain, puis le Next Made in France. Oui, t'avais un prétendant et les autres, les candidats qui passaient les uns après les autres, ils se faisaient nexter si ça leur convenait pas. Techniquement, alors je sais pas si c'est de ma génération ou plutôt la tienne, mais il y a les téléréalités aussi. Ouais, ah bah Love Story, c'est 2001. Ah, c'est 2001 Love Story. Love Story, ça a commencé plutôt dans les années, même si ça a pris du temps. Il y a eu Love Story, puis après il y a eu d'autres. Ils sont arrivés, mais un peu plus tard. La ferme célébrité, Secret Story et compagnie. Ouais. Ça, ça a chamboulé la façon de faire de la télé. Ça le prix, hein, quand même, on va pas se mentir. Bah, disons c'était que ça nouveau, pas. Quoi. Alors, ça avait ce côté nouveau et très fort, notamment le premier Love Story, ça a bouleversé. Mais quand tu le fais 10 fois et que t'as ton secret, c'est pourri. Enfin, oui. Voilà, et clairement, ça a pas tiré la télé vers le haut. Hein, Et après, ils se sont mis à décliner ce concept de télé-réalité à toutes les sauces. Ah, ouais. Je prends par exemple la chaîne M6 qui, elle, a trouvé son public grâce à la télé-réalité de manière plutôt intelligente en déclinant ça avec ouais mais la 12 ils sont restés sur ce concept de télé-réalité des années 2000 alors que si je prends M6 ils ont décliné Pékin ça Express, à l'aventure à la cuisine à plein de choses c'est en vrai. Fait et beaucoup plus instructif quoi bah disons qu'ils ont su faire évoluer la chose allons-y mollo sur l'instructif non mais bon c'est il peut y avoir de la télé-réalité instructive quoi quelque part enfin tu peux tu peux en faire quelque chose si tu prends des gens intelligents à la base ça passe bien et que quoi. Tu leur fais faire des choses intelligentes ça marche ça donne un programme intelligent bien sûr mais ce qui n'était pas le cas de bah, non ils ont choisi pas l'optique de Love Story quoi. C'est pas le physique qui était important sur certaines émissions plus non plus l'audimat le physique faire donc. Du non pas l'audimat faire du début enfin bah, le premier si tu reviens sur Love Story c'est un concept américain qu'on a importé en France et qu'on a testé on s'imaginait pas que ça allait avoir ce raz-de-marée là mais tu mettais des gens sans intérêt dans une boîte et tu les laissais enfermer pour voir ce que ça donnait bon et il s'avère que effectivement ça a cartonné marrant. Mais c'est un concept qui au fur et à tu mesure peux pas c'est, le décliner, c'est normal c'est normal enfin c'est des bons souvenirs quand même si c'était pas terrible quoi c'était bah ça a marqué les esprits Alors, pas peut-être pas autant que mes 68 mais ça a marqué les esprits ouais. En termes de musique comme tu l'as dit il y avait du Rihanna du Katy Perry du ça commençait à être bien parce que j'écoutais souvent que des musiques de filles de chanteuses du R&B du coup des paroles pop. Féminines de la pop, ouais. Alors quasiment que de la pop c'est ce qui s'écoutait le plus avec aussi du métal aussi il y avait pas mal de métal Alors ça c'est la période adolescence parce qu'on est rebelle il y avait beaucoup de métal alors moi j'en écoutais pas spécialement mais mes copains les copains ils écoutaient du métal, métal. Dans les années 2000 aussi il y avait quelque chose alors les adolescents etc c'était la techno la techno avec parce que c'est la période du tuning et t'avais les compil tuning t'avais David Guetta aussi si tu gères bien dans la deuxième partie des années 2000 il y avait David Guetta marché les Daft Punk évidemment bien sûr il y a tellement de choses était là encore avant mais il y a plein de choses en vrai Jean-Michel Jarre c'était sympa aussi il avait commencé avant Jean-Michel Jarre commencé avant je le connais pas moi de toute façon donc, Oxygène A Oxygène 2 Oxygène 3 il faisait de la musique avec des lasers en fait t'as commencé dans les années 80 Jean-Michel oui il faisait des notes avec des lasers c'est de la musique électronique Jean-Michel Jarre mais c'est vrai qu'il y a Moby aussi il y a eu plein de choses il y a eu la démocratisation aussi des DJ parce que David Guetta il a lancé quand même un mouvement avec ça donc il y avait d'électro. Alors, les DJ, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, dans les années fin années 90 et début 2000, il y a une starification des DJ producteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, les DJ, ils étaient. Ils mixaient des musiques, ils étaient aux platines, etc. Alors, tu avais, les certains DJ, notamment dans le rap, qui avaient une certaine notoriété. Ouais. Mais le DJ producteur avait souvent simplement un rôle secondaire. Ouais. Alors que du David Guetta, du Martin Solveig, les Daft Punk, etc. Le chanteur, tu l'oublies, il existe c'est pas. Ça. Et là, c'est en fait, c'était David Guetta en featuring avec tel chanteur qui passait du coup en second plan. Ouais. Mais ça marchait. Marchait. Bien sûr. Et puis même, c'est eux qui font le plus gros du taf quasiment. Le chanteur, tu reconnais même pas sa voix, tu sais même pas qui c'est. Ah, ça dépend comment on la modifie aussi et quelle preuve on fait avec. Mais voilà. Donc bon. Il y avait évidemment les jeux vidéo. Hein. Nous, on était déjà rompus. Hein. On a grandi dedans. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais alors, toi, quelle était ta première console, Linda, par exemple? Master System 2. Ok. Avec Alex Kidd, précisément. Ah, oui. C'était excellent. C'est le jeu de ton enfance. C'est le jeu. Et dans l'adolescence, quand t'étais un petit peu plus âgé, est-ce que t'as eu d'autres consoles? Non, mais moi, je suis passé au PC direct, en fait. Hein. Ok. Moi, je jouais sur Amstrad. Ouais, c'était avant ça, peut-être. C'était avant la Master System. C'est Amstrad, c'est moi, vieux. J'ai commencé à un Amstrad, après, bon, voilà. Okay. Qu'est-ce que j'ai eu après? Je suis passé en PC. Je me rappelle que je mettais les CD des magazines joystick. J'essayais tous les jeux dessus. Donc des jeux de merde, en fait, qui donnaient. Ouais, c'était la démo démos, déjà. Quoi. Oui. Ouais, voilà. Mais ça me permettait de tester, quoi. Voilà. Ok. Et sur PC, un jeu qui t'a marqué? Need for Speed. Need for Speed, j'y ai joué aussi. Voilà, quoi. La base. Forcément, la voiture, ouais. Moi, ma première console, alors enfant, c'était la Mega Drive que papa m'a piqué pas mal. Ah. Voilà. En fait, on jouait, on allait le plus loin possible dans les niveaux parce que tu sais, t'avais un game over et t'avais pas de carte de sauvegarde. Bah, oui. Et pour aller plus loin, bah, il préférait jouer tout seul parce que sinon, on arrivait rapidement à la Sega. Tu revenais au départ. Comment il était, sérieux? Bah, non, mais c'est comme ça. Coucou Indestar, ça va la jeunesse, ça va très bien. Le petit chef Félix qui nous regarde sur Twitch. C'est on te sœur, fait des ça. Bisous. Ouais. Moi, donc première console Mega Drive avec Sonic et puis. Dans mon adolescence, c'était la PlayStation 2 qui est sortie en l'an 2000 et avec aussi marrant, pas mal de jeux PC parce que j'ai joué pas mal sur PC, donc du Need for Speed, Diablo, le jeu, par exemple, non, t'as non, pas joué non. Moi, j'ai, alors sur PC, Medal of Honor, non Medal of Honor, on y jouait un petit peu en partie réseau local, c'était sympa. Moi, j'aimais beaucoup aussi, donc forcément, les jeux de voiture, un jeu dont j'ai parlé pareil en long Midnight et en Madness, Midnight Madness 2. Voilà, j'avais le volant aussi, je m'amusais avec Minton Madness 2. Ça m'a marqué avant les SimCity aussi, qu'on avait sur PC. T'avais fait quelque chose, une émission pendant le j'avais Covid, fait je me rappelle. Une petite vidéo qui est retrouvée sur Indestar.fr où je parle de SimCity, le premier. Il y avait SimCity 3000 après que j'ai pas mal. C'est le début de Call of Duty aussi. Ouais, mais alors ça c'était moins mon truc, ça c'était plus le tien, toi. C'était les jeux de one shot, première personne, FPS. Ouais, et puis le début des jeux en réseau dans les années 2000 aussi. Hein. Ce que t'as oublié aussi et qui, je pense, prend une place assez considérable, c'est les jeux de cartes à jouer, comme les cartes Pokémon, les cartes. Moi, j'ai pas fait, moi, ça. Ouais, mais ça vient de ta période, pourtant. Bah, tu nous as parlé de Pog et tout à l'heure. À l'époque, les années 90. J'ai encore mieux. Ça, c'est avant, J'ai encore mieux Magic. Les cartes Magic, quand les même. Les cartes Magic, c'est aussi dans la période Pokémon, mais Yu-Gi-Oh! Oui. Alors, un petit peu après, mais c'est dans la même foulée. Oui, tout ça, ça vient des années 2000 et ça continue encore bien comme il faut, surtout pour les Pokémon, hein, parce que maintenant les jeux de cartes à jouer, ça quand même bien, ça prend une claque dans la gueule. Joe Nomura, Omamori, pardon, il nous dit oui, le jeu de cartes Magic lui aussi. Ouais. Évidemment. Et voilà. Alors, moi, j'étais plus fan de Yu-Gi-Oh, j'avoue. Voilà. Mais bon, oui, tout ça, ça se jouait dans les années 2000. La part époque qui a duré pas si longtemps que ça, hein, c'est vraiment mi-90. Alors j'avais plein de Pog. Moi, c'était ma jeunesse, et qui était distribuée par les sociétés, genre à la sortie de l'école, parce que tu peux plus tout faire maintenant, tu vois, sinon t'es mal considéré. Mais c'est les sociétés qui distribuent ça, et tu t'amusais avec les POG, des collections, et tu as gagné des POG et en perdre. Et figure-toi que ça existe encore, parce que moi, Léa, elle a des jeux. Il y a des gens qui viennent à la sortie de son collège. Non, mais elle a eu quand même une période Yo-Kai Watch. C'est quoi Yo-Kai Watch? C'est pas montre. Des POG. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça ressemble, t'es dit. C'est un petit. Et alors, comme les WAP, ça ressemble aussi à des POG. En électronique. Je sais ce que tu vas dire. Le Tamagotchi. Mais bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est moi. Si tu lui donnais plus à bouffer, il mourrait le truc. C'est ça. Alors c'était très c'est un jeu de filles quand même, hein, en grande majorité. Ah, moi les Tamagotchi avec des filles qui avaient ça à l'école, hein. Mais Moi il y en a pas eu beaucoup au final. Mais, non, mais c'est pas ton époque, t'es dit. C'est normal. Ouais, je sais, mais il y en avait. Petit animal là, oui, que tu devais nourrir pendant la cour de récré parce que sinon il mourait. Et même en cours, hein. T'entends les doutes. Il y en a qui le faisaient en cours. Toi, t'as eu autre chose. C'était le truc tout poilu là. Comment ça s'appelle là? Qui parle et il évolue avec toi. Mais on en a un! Si, on en a un en plus! Il est là! Il est là en plus! Alors, non, ça c'est un Furby! Et ça c'est avant moi! Mais donc c'est pareil, c'est les mêmes. Le Furby il est là! Le Furby, si vous êtes sur Twitch, vous le voyez! C'est l'ancêtre, c'est le Tamagotchi de ça! Un peu! Alors, tu veux dire, ça c'est un objet physique du coup! Ouais, du coup il réagit, il évolue! Alors, ça c'est un cadeau! Il évolue pas vraiment! C'est un cadeau de mon papa ça! Le Furby qui était très nouvelle technologie! Ah bah ouais, ça complètement! Tu sais que maman, ça, elle en a eu horreur. Hein. D'ailleurs, il n'a pas fonctionné très longtemps. Mais petit animal. On va le mettre là, tiens. Petit animal qui faisait. C'était le début de l'intelligence artificielle, on va dire. C'est ça, un petit peu. Il parlait, on pouvait lui ouvrir la bouche et lui donner à manger. Il disait, Puis tu lui parlais, plus il était intelligent. Et c'était censé être le truc. Plus tu lui parlais, plus il devenait intelligent. C'est pas vrai. Bah disons qu'on y est resté con, hein, mais parce que très agaçant le truc, hein, il fallait lui fermer les yeux, fallait l'endormir, câlins, tout ça. Ouais. Très très agaçant. Tu mets pas de pile, une fois qu'elles sont finies, t'en mets plus en fait. C'est ça, exactement. Tu vois là, il est bien sans pile, il marche gentil, bien comme ça, il est gentil, ça, bon petit toutou. Je sais même pas ce que c'est comme animal, une sorte de chouette, un truc. Non, c'est un animal qui ressemble plus aux gremlins, hein, on va pas se mentir. Gremlin, c'est pas un vrai animal en même temps. Parce qu'un Furby c'est un vrai animal. Non, j'ai pas dit le contraire, mais je cherchais la référence à un vrai animal. Ça c'est plus dans les années 2000 effectivement. Nous il y avait pas ça. Ça existe pas. Qu'est-ce qu'on s'est amusé, moi je trouve quand même. On a vachement eu de chance. Hein. Dans nos années à nous il y avait beaucoup de choses. C'est relatif. Ça parce qu'on l'a vécu. Mais voilà. Moi aussi, Pascal, tu dirais la même chose de ta génération. Oui, exactement. Ouais. Ouais. À votre manière quoi. Ça a été différent. Ah non, c'était pas ma manière. C'est juste nos souvenirs. Je le dis déjà de mes souvenirs et puis l'évolution. Qui a été dans le sens de la pas de l'ouverture en fait du monde vers le monde et ça je le déplore. Bien sûr. C'est l'individualisme et l'individualisme aujourd'hui est arrivé je pense j'espère à son paroxysme. mais tous les rien que les Tamagotchi ou le frisbee là que je sais pas comment Furby. Le Furby que je t'ai offert d'ailleurs je trouve pas que ça que ça pousse vers la rencontre des autres. Non, c'est sûr. Joues tout seul, tu t'occupes tout seul. Parce qu'on est quand même passé, si on peut parler d'évolution, de parler avec des vrais gens, de tu sortir, vois, de voir des gens, à parler à cette petite chose débile. Forcément, après on s'étonne. À t'occuper de trucs imaginaires. Les gamins sont cons. Ouais, le niveau est pas ouf. Hein. C'est comme ça, malheureusement. Mais bon, c'est pas. Il y a du bon, il y a du bon et du moins bon. Mais je pense que là, en règle générale, on a quand même, on est tous issus d'une génération qui a eu de la chance sur les loisirs par rapport à la génération de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui, eux, avaient beaucoup moins cet accès aux loisirs d'une manière générale et un système vachement régi par l'autorité parentale. Quoi. C'est vrai, on avait une certaine liberté, on va dire. C'est vrai, je peux pas me plaindre. Oui, qui vous ont été donnés aussi par l'ouverture même des parents qui peut-être étaient peut-être plus ouverts que la moyenne, je sais pas. Mm-hmm, enfin, j'espère, j'ose le penser pour moi. Hein. Ouais non mais je pense et puis malgré tout là entre la sécurité dont on parle beaucoup les lois etc j'ai l'impression que plus ça va plus voilà les parents ont un contrôle aussi de l'autorité sur leurs enfants qui leur demandent le jeu là où tu attaques tout le monde là dans une ville imaginaire américaine GTA. T'avais quel âge quand t'as commencé à jouer à ça? T'étais vraiment pas 18 jeune. Ans. C'était tu pas devais avoir 12 c'était ans. Un Peggy 18 normalement. Où t'avais un char d'assaut et que tu bousillais tous les flics. Oui, alors, ça c'est par code. Faut taper le code, une série de manip et hop. Non mais c'est moi qui lui donnais les. Après, mais il y a quand même quelque chose, c'est que oui, alors il y avait de la violence. Oui, c'était du GTA, ça reste du GTA. Cela dit. Par rapport à aujourd'hui où les graphismes sont tels que des fois malheureusement dans un cerveau d'adolescent tu peux confondre un peu la réalité et le réel, on n'était pas à cette époque là non plus, tu vois. Donc un GTA 3 par exemple, oui t'avais une vue 3D, oui tu pouvais tirer sur des gens etc, mais cela dit tu à 14-15 ans, j'avais pas 13 ans, j'avais 14-15 ans, honnêtement je pense que c'est jouable. Aujourd'hui les gamins de 8 ans ils jouent à Fortnite, ça me dérange plus. Bah après je sais pas ce qui est bon ce qui est pas bon, après chacun fait comme Fortnite, il veut là-dessus. C'est pas très réaliste. Hein. GTA est beaucoup plus réaliste qu'un Fortnite. Bah, GTA, t'as des gamins de 12 ans qui jouent à GTA 5 qui est quand même vachement plus réaliste qu'un GTA 3. Quoi. Ah oui, je dis pas le contraire. Mais tu peux pas comparer Fortnite. Fortnite, c'est vraiment pour les enfants. Oui, mais le principe même de Fortnite, parce enfants, que tu tires des paillettes. Hein, dans GTA, ok, j'avoue. T'es sûr que t'as joué à Fortnite, toi? Bien sûr que j'ai joué à Fortnite. Tu tires des missiles, enfin des balles. Oui, il y a du sang quand même. Mais oui, c'est violent. Ouais. Mais bien sûr que non, il y a pas de sang. Alors que dans comment il s'appelait ce premier l'un des premiers jeux à la première personne là où tu tuais des gens et non c'est Call of toi tu non avant ça dans un jeu sur PC Doom c'était Doom c'était Doom. Doom oui Doom ouais Doom c'est autre chose. C'était pas terrible non plus. Hein. Doom, c'est pas pour les enfants. En tout cas, quand tu tirais sur les gens, ils se chargeaient en petits carrés rouges avec des mouches qui étaient des petits carrés noirs. Ouais. Bon, c'était pas très réaliste non plus. Ouais. Bah, tu faisais pas des cauchemars la nuit. Regarde un Doom récemment. Là, je te parle du Doom des années 90. Mais oui, ils avaient pas les moyens. C'est qu'ils avaient pas les moyens, attention. Ah, c'est le graphisme. Techniquement, c'est quand même. Counter-Strike, pardon. Counter-Strike, effectivement. Sur jeu PC. Mais tu peux toujours pas comparer ça à Fortnite, tu peux pas dire, je peux pas te laisser dire. Non, Fortnite, mais le principe c'est de Fortnite, mignon, Fortnite où t'arrives sur une île où tu as des gens qui s'entretuent et tu dois être le seul survivant, excuse-moi, mais rien que le concept du jeu, pour un gamin de 8 ans, bof quoi. T'as pas joué à Fortnite. Mais si, c'est ça le concept du jeu. Non, c'est Far Cry ça. Non, mais non. T'arrives pas sur une île, t'es sur une map en fait, oui, qui serait très avec toi. Et fout, le but effectivement, c'est que le dernier survivant. Voilà. Mais c'est même pas, comment dire, c'est pas un but. En fait, quand tu tues, t'as même pas de sang ou quoi que ce soit. C'est vraiment. T'élimines. Tu élimines un ennemi. D'accord. Et t'avoueras que le concept même du jeu. Call of est beaucoup plus violent. Ça n'a rien à voir là. Ouais. Ah bah ça n'a rien à voir. C'est un FPS. Bon, après, je pense qu'on aura tous un jugement un petit peu comme ça sur les nouveaux jeux. On va se dire, tiens, c'est violent pour les jeunes. Je déteste Fortnite parce que c'est nul à chier. Non, mais. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais parce que t'es pas de cette génération là non plus. Ben non, c'est juste parce que c'est nul. Oui, mais parce que c'est pas de cette génération-là non plus. Oui, peut-être. Mais bon, c'est pas violent. Par contre, là, il y a un domaine sur lequel on se rejoint tous sur Indestar, c'est Fortnite, c'est nul. La musique. Oui, on va écouter Julien Sordetto, Call on Me, donc une reprise d'Ed Sheeran et de Vianney. Hein, c'est un duo. C'est sur Indestar. C'est, c'est marrant quand même dans le principe parce que là c'est la reprise, mais c'est marrant, c'est la pourquoi originale. Ed Sheeran chante avec Vianney, parce que Vianney chante avec tout le monde, voilà, et Ed Sheeran il est partout, donc l'association des deux finalement est assez logique. Voyons voir si Julien Sordetto fait mieux, et c'est sur Indestar. Le direct indestar.fr, les podcasts indestar.fr, retrouver un titre passé sur l'antenne indestar.fr, les infos sur les émissions indestar.fr, les vidéos indestar.fr, les infos artistes indestar.fr, le café du matin indestar.fr, une voiture diesel indestar.fr, des lasagnes au poulet indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur indestar.fr, mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. Salut, c'est Anaïs. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix? Je présente Actu Solide sur Indestar le lundi. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence. Même pour toi. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser, mais penser le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Feel the love that got to take the blow, you know. So call me, please, Baba. If you let it be, Baba. Heavy high, heavy low, where we'll come, where we'll go. Feel the love that got to take the blow, you know. So call me, please, Baba. Jeu de mots hein, sur Indestar, on aime bien. Ouais, ouais, clairement. C'est toi qui as fait jingle. Hein. Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Thierry. Ah, donc on peut féliciter Thierry. Ah, je dis rien. Tiens, la musique de fond là me fait penser à un jeu très pop culture des années 2000. Les Sims. Sims. Ouais. Oh là là. Yeah. Ah ouais, ça a cartonné bien. Aussi. Là. Ouais, bien sûr. C'était violent les Sims. Hein. Tu pouvais les faire mourir. C'est vrai que tu pouvais les faire mourir entre quatre murs. Ouais. T'avais la grande chose. Tu les mettais dans la piscine, tu retirais l'échelle. Ouais, aussi. Pourquoi on aimait faire ça? Parce qu'on voulait tester, voir jusqu'où on aimait jouer avec la vie. C'est ça. Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, on a tous une âme. Bizarre. On a envie d'être un dieu tyran. Petit côté bizarre. Ouais. Bon, on a parlé de différentes générations. Par contre, on n'a pas parlé de la génération actuelle. Il y a des tendances, il y a des sorties. Il y a quoi, Linda? Alors, écoutez, j'ai discuté avec une connaissance du thème de l'émission de ce soir et il m'a clairement guidé sur une idée très sympa. D'ailleurs, merci beaucoup Aurélien pour cette aide et je te fais une petite dédicace. Je vais vous citer quelques lieux de divertissement pour profiter entre amis, en famille et entre jeunes ados. 13 années 90, les cases dédiées. Hein. Mais je suis vieille moi, tu vois. Donc, et tu gagnes ta compile là. J'assume. Et donc particulièrement du divertissement insolite. Vous y avez pensé? C'est de plus en plus en vogue. Hein. Oui, bah on cherche effectivement des nouveaux concepts parce qu'on a déjà On a déjà fait plein de choses et on a envie de nouveautés à chaque fois. Voilà. Autant parler de mix de musique, de style de musique, autant là j'ai l'impression qu'effectivement les 15 dernières années on a cherché à voir tout ce qui pouvait aller ensemble qu'on avait déjà établi et à essayer de voir si on peut pas mettre, je sais pas, du tennis dans la piscine avec de l'escalade en sus, etc. Exactement. Mmh. On est d'accord que, moi je vais contredire Pascal, les jeunes recommencent à passer des moments ensemble aujourd'hui. Et pour ça, ils vont plus au cinéma, on est d'accord, c'est passé le cinéma. Hein. Non, pas forcément. Non, c'est fini ça. Si je joue pas. En boîte échangiste. Ouais, bah écoute, ils font ce qu'ils veulent après. Ils sont trop jeunes, ça pour ça. Moi je vais rester. Carrément un peu, ouais. C'est demain l'émission Love, on va rester sage. Hein. Alors moi je vais parler de Disque Game par exemple, ça c'est la base, mais il y a aussi les Rage Game, vous connaissez ? J'imagine que c'est des choses qui sont possibles, qui sont rendues possibles grâce à la nouvelle technologie. Du tout. Alors c'est des grandes rooms où tu peux par exemple casser des assiettes. Détruire. Ah oui. Moi je connaissais ce que Fury Room, mais. Mais il y en a plein d'autres. Avant tu le faisais à la maison. Ouais. Non, tu peux aller dans des endroits à la maison, mais tu vas dans un endroit pour le faire. Tu peux détruire une télé à coup de batte de baseball, si tu veux. Cool. Alors c'est bien tout ça, mais moi j'ai trouvé autre chose, quelque chose de vraiment innovant et bien plus intéressant. Je vais vous présenter Sans Sas. Est-ce que ça vous parle ? Sensationnant. C'est un peu ça. C'est quoi l'idée ? Alors déjà, c'est un lieu de divertissement qui se trouve dans le 37, Indre-et-Loire, en région centre. Ok, donc si vous êtes dans la région, Non, justement, il y en a à Paris, à Rennes, ça se développe, c'est une chaîne. Alors, vous allez pouvoir découvrir la force de vos 5 sens avec votre équipe de 4 à 15 personnes et affronter vos peurs. Ça, c'est la base. Et ça, parce que c'est vrai que le concept des châteaux hantés, de tout ça, ça a tendance à se développer aussi. Ah, c'est après. Après, il y a autre chose, ouais. Durant 2 heures, vous pourrez relever des défis plus surprenants les uns que les autres, dans la bonne humeur évidemment. C'est le pitch en plus. C'est Interville. C'est pour que vous soyez dedans. C'est une expérience sensorielle, mais dans l'obscurité quasi totale. Mm-hmm. Bah, c'est fun, non ? Alors leur promesse, c'est sensation, émotion et fou rire garanti. J'ai pas compris qu'est-ce tu qu'on vois fait rien réellement. Alors qu'on est dans le noir. Je répète, vous allez découvrir la force de vos 5 sens. Oui, d'accord. Ok. Et comment tu veux découvrir? Je sais pas, on va toucher des trucs bizarres, on va sentir des choses bizarres. Exactement. Ouais. Tu vas voir des trucs bizarres. Et on doit repérer, c'est quoi? C'est dans le noir. C'est donc le X-Factor. C'est des tests. Ouais. Tu peux avoir la peur parce que si tu touches quelque chose qui bouge, tu vois. Attends, eux ils ont tout compris au problème actuel, hein. Économie d'énergie, on n'allume pas les lumières. C'est ça. Le budget déco, on s'en bat les couilles, on est dans le noir. J'avoue que c'est bien joué. C'est très bien joué. C'est minimaliste comme activité. Parce que je vous ai pas tout raconté. Et c'est 40 balles. Non. Combien tu dis ? Je sais pas, 40, non, 60. C'est 28 euros par adulte. 28 pour un truc pour tu vois rien. Pour 2 heures. Non, mais alors attends, le concept va plus loin que ça. Parce qu'il y a une bonne action dans la bonne humeur. Une bonne action ? Je vous explique. Par le biais des ateliers entraînant des pertes quasi totales de repères et une initiation aux méthodes de communication des personnes déficientes, Sans Sas Tour souhaite faire évoluer le regard des personnes valides sur le handicap. Okay. Donc c'est une approche différente. Est-ce que c'est pas pour se donner bonne conscience ? Mais tellement, ils se sont dit, tiens, ça peut mettre... C'est pas fini. Il faut donner une cause, on va reverser des sous à une association. Il y a ça ? Bah mais c'est sûr, mais c'est vu à 10 km, Linda. Alors, Sans Sas Tour allie donc divertissement, sensibilisation et action au travers d'une démarche citoyenne visant à récolter des fonds destinés à des associations œuvrant dans le handicap. Tout au long du parcours sensoriel Sans Sas, vous serez amené à vous dépasser pour récolter un maximum d'amulettes amulettes qui seront ensuite converties en dons pour les associations partenaires. C'est un peu le Téléthon, quoi. Ouais, c'est clair. Alors moi, je trouve ça génial parce que tu t'amuses et en même temps, tu fais un don. Mais c'est bien, bien sûr. Après, je t'avoue, je m'entraîne déjà à être aveugle, moi. Donc. Et tu fais ça comment ? Juste en enlevant ses lunettes. Eh ben, j'essaie d'écouter avec mes oreilles, j'essaie de sentir avec mon nez. Non, mais vous êtes d'accord que le concept est sympa. Et j'essaie de regarder avec mes yeux. Parce que les gens qui ont aucun handicap, ils peuvent pas comprendre. Là, tu vas pouvoir être dedans. Quoi. Mais en même temps, suffit de mettre un bandeau sur tes yeux et de te balader dans ta maison toute la journée, tu vas voir que tu vas en apprendre des choses. Hein. Ouais. Non, mais du coup, l'idée d'apporter un don, c'est cool. C'est le deuxième effet qui se coule, tu vois. Oui, d'accord, Linda. Oui. Non ? Si. Ah. Mais du coup, c'est insolite. C'est insolite. C'est totalement insolite. Mais oui. On recherche autre chose, effectivement. Apparemment, c'est super drôle. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le site https://tour.sansas.top. On va aller faire ça samedi. Ah, d'accord. Chiche, allez. Et on fait une vidéo, on renvoie ça sur la page Indestar. Ah, bah évidemment. Tout le monde. Bah non. Une vidéo dans le noir. Non, mais il y a des infrarouges, ça existe, Teddy. Pour pouvoir filmer. J'ai pas de caméra infrarouge. On a des caméras infrarouges. Bref, il y a une vidéo, moi je vous invite à aller la voir parce que ça a l'air super trippant. Les gens, ils rigolent, ils ont peur. C'est normal, c'est la bande promo. Non, mais moi ça me donne envie d'y aller. Voilà. Moi je veux bien mettre des gens qui ont peur là-dedans et toi tu vas là-dedans et tu joues. Mais justement, tu te testes. Un peu le train fantôme, quoi. Où tu peux aller, tu vois. Voilà, et moi j'ai adoré. Donc je vous invite tous les jeunes, allez-y, même les moins jeunes, les plus vieux, enfin tout le monde. Ok. Voilà. Il y avait une deuxième idée ou non, la seule proposition pour, non, je voulais vous parler. Escape Game aussi en ce moment. Ouais, oui, bah, bien, ça aussi. Mais on peut parler d'autre chose. À Tours, on a un karting Mario quand même. On a un karting Mario. C'est Battle Tour, non, Battle Kart, ça s'appelle. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un concept qui se développe de plus en plus, c'est les lieux où tu te réunis pour jouer à des jeux de société. Oui. Alors là, tu vois, pour le coup, on en revient aux bases. Et aux tu bases le disais, Linda. Alors je pense que le Covid a joué aussi dans ce sens. On s'est sentis un petit peu tous les uns en dehors des autres, un peu seuls, et du coup, on a envie de se réunir. Et les jeux de société. Ça fait une. Ouais. Alors, ça, c'est au-delà du Covid, hein, ça fait une quinzaine d'années où on avait avant des jeux de société. Moi, je me rappelle dans les années 90, début 2000, des jeux qu'avaient aussi mes parents. C'est-à-dire le Monopoly, le Scrabble, tout ça. Et depuis une dizaine d'années, on s'est mis à avoir plein de nouveaux jeux qui sont super sympas et pour tous les publics. Par exemple, mais. D'ailleurs, vous pouvez venir à la maison, j'en ai plein et on joue presque jamais parce que. C'est une invitation ? C'est ça. Ok, très bien. On va tous débarquer, tous les auditeurs de l'Indestar. Allez, venez, c'est grand chez moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux originaux qui sont apparus et dans toutes les voies possibles et c'est cool, je trouve. Et c'est revenu à la mode le fait de jouer à des jeux de société. Je me pose une question parce que chez moi, c'est pas possible. J'ai un mauvais joueur à chez moi. Est-ce que vous êtes mauvais joueur ? Non. Est-ce que t'aimes ça te dérange pas si tu perds ? Ah non, au contraire même. Il faut. comment il s'est retourné ? Alors, non, il faut perdre. Papa. Alors, moi, je veux pas balancer. Merde. Mais Théo, il a osé quand même répéter un million de fois. Ouais, je crois que mon père est un peu mauvais joueur. Il aime pas qu'on le batte sur certains. Là, j'ai lancé le sujet là. Disons que t'es pas le meilleur joueur au monde quoi. T'es bon joueur. Mais faut que tu gagnes. Eh ben j'ai le même à la maison. L'ambiance est bonne tant que tu gagnes. S'il commence à perdre, c'est fini. Ouais. Ah, t'exagères. Pas tant que ça. T'es un bon joueur, toi. Je perds jamais donc. Voilà. T'es pire, toi encore. T'es dit, choisis le jeu, mais c'est facile. Bah oui, voilà, c'est ça. Si je joue au poker, tu vois, je perds jamais. Contre son fils, par exemple, au poker, il gagne toujours. Tu vois. Bah forcément. Ah non, j'ai jamais perdu une seule fois au poker. Moi je vous dis juste, j'ai jamais joué au poker. Jouez pas Uno avec Léa, c'est un risque. Vous prenez beaucoup de risques. Alors, elle prend ça à cœur. Elle nous met des races. Ah oui, parce qu'elle connaît le jeu par cœur. C'est quoi du coup, on va le faire. On va jouer au Uno. Et ça marche. Ouais, on va se faire des ennemis. Alors, quelque part, on parle de mauvais joueurs et tout ça, ça veut dire que t'es aussi investi dans le jeu et que t'es à fond. Ouais, tu vois. Mais faut pas trop l'être. Parce mais il y a une limite entre la réalité et le jeu auquel tu joues. Tu joues pas ta vie. Genre au Monopoly, par exemple, il y a eu des parties en famille qui se sont très mal terminées. Je parle pas de chez moi, mais dans des familles qui se sont très mal terminées. Alors que ça reste un jeu, quoi. J'avoue, ça m'est arrivé. Mais c'est à moi la rue de la paix. Ah non, nous, c'est pas ça. Nous, c'est à qui vole le mieux. Ouais. D'ailleurs, ils ont sorti un Monopoly exprès pour nous, le jeu Monopoly tricherie. Tricheur. Bah oui, t'as le droit de tricher, c'est bien plus drôle. C'est bien plus drôle. Bon. Ça, c'est assez récent. Je sais pas si vous connaissez ce genre de truc. Il y a plein de jeux maintenant qui t'autorisent à tricher. Ah ouais, oui. J'adore ce concept. Mais des fois, on pousse aussi les déclinaisons. Si on prend une franchise comme le Monopoly, il y en a 40 000 des versions mais du Monopoly. Ils ont tout fait. Est-ce que. Il y a un intérêt dans ces différentes versions du Monopoly. Je sais c'est pas. Dans l'univers, quoi. Je sais que par exemple, il y a récemment, j'ai joué à une version différente du Cluedo, qui est quand même un jeu hyper vieux, hein, qui était la version Harry Potter. Alors, je suis et pas du tout Harry Potter, mais qui était intéressante parce qu'ils avaient rajouté des mécaniques de jeu. Qui était vraiment qui sublimait la version originale. Donc et qui sympa. A ajouté un peu de suspense, de choses nouvelles. Si c'est après juste pour faire un jeu sous univers, une licence, parce que dire Harry Potter, on va le vendre, je trouve que ça a peu d'intérêt. Il y en a beaucoup qui ont sombré dans ce style-là. À quand tu vas nous sortir ton jeu, Théo ? Parce que toi, t'es très bon, tu nous inventes des jeux, il y en a plein. Oui, bah je les invente. Hein ? Après, tu veux les sortir en grande série ou tu veux les garder pour nous ? Parce que, alors, c'est comme tu veux. Toi, t'as la primeur. Elle investit. on a un jeu starter qui peut être dans un an, deux ans, trois génial. Ans, quatre ans. Voilà. Oh oui, c'est vrai. Oh la vache. Ouais, tu l'as voulu, celui-là. Ouais, clairement. Ouais. Faut le ressortir des placards, on y va. Non, allez. Non, mais il est pas dans le placard, t'inquiète pas, il avance, mais, cool. mais ça met un peu longtemps non, à sortir. Ce que je sors des placards, c'est de la musique. Celui-là, j'ai été le chercher, mais. Moi, perso, je l'ai jamais mis dans un conducteur. C'est Poum. Oui. Les voiles. Oui. Il met les voiles. Bah, pas nous, parce qu'on a encore des on choses un petit à, peu là encore. À ah vous non, dire non. ce soir. Un manga avec toi et un quiz pour terminer cette émission de Pop Culture ce soir, cette Peak Avenger du jeudi soir. La pop culture, ce podcast sur indestar.fr. Oui, sur podcast, sur indestar.fr, comme il l'a dit, sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez nous retrouver partout en vrai en podcast ou même en direct si vous voulez nous écouter. Hein. C'est tous les jeudis soirs, les Peak Avengers, de 21h à 23h. À peu près, hein. Parce plus ou moins parce qu'il est déjà 23h. On est déjà en retard là. Voilà, voilà. On prolonge une tradition. Oui, voilà. C'est même pas une tradition Peak Avengers, c'est une tradition Indestar en fait. Hein, bien sûr. Effectivement. Là, dans ce petit moment Indestar, nous allons parler de manga et particulièrement de Naruto. Je sais pas si vous connaissez. Non. Un manga de. Enfin, si, j'ai déjà entendu parler, mais parce que tu m'en as parlé en fait. C'est un manga assez célèbre qui parlait de. c'est l'histoire d'un ninja qui s'appelle Naruto, dans un village qui s'appelle Konoha. Il a des péripéties en tant que ninja. Ok. On va faire simple pour... Est-ce que ça a un rapport avec les tortues? Non. Du tout. Rien à voir. Bon, j'aurais essayé. Bref. Ça, c'est un manga des années 2000, 2010, tout ça, qui a cartonné en même temps que One Piece, en... C'est un gros, c'est un poids lourd, un emblème du monde des mangas. Plus de 3 tonnes 5 donc. Exactement. D'accord. Et ça s'est terminé. C'est une voiture ça. En plus de 3 tonnes 5. Ouais, c'est vrai. Et évidemment, ça s'est terminé à un moment donné, hein, forcément. Et comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, enfin, hein, je sais pas comment expliquer ça, en ce moment, on a la mode des reboots, des suites, oui. Des. Ça, c'est quand on n'a plus d'idées. Voilà, on veut faire revenir une franchise qui a marché en se disant. Oh, ça va cartonner, genre MacGyver, version année 2000. Ouais, c'était moche, c'est ça. Pourri. Ouais. Par contre, dans le monde du manga et des animés, c'est très, très, très impitoyable. C'est de la rigolade de faire un reboot d'une série comparé à faire un reboot d'un manga ou d'un animé. Dans le sens où t'es directement banni si tu te foires. Ouais, bah dans une série aussi. Enfin, non. Dans les séries charismatiques. À la mérite de sortir. Parce que l'animé, tu t'arrêtes direct. Ah ouais. Deux, trois épisodes. Donc mauvaise c'est idée, on est d'accord. Voilà. Ouais. T'as intérêt à lancer du lourd directement il si faut tu fais ça. Il faut prendre toutes les particularités du truc, sinon tu te fais défoncer. Bah, si t'oublies un truc. Mais voilà, mais de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, c'est sûr. Oui, parce que c'est toujours le curseur entre J'innove. Alors si t'innoves pas assez, voilà. Ouais, c'est la même chose qu'avant, ouais, ils ont tout copié. Ça. Et si t'innoves trop, bah il y a pas les bases, ça donc ça me ressemble pas à la série de mon enfance. Donc. Ils ont lancé une série animée et manga qui s'appelle Boruto. Ah, ouais, Naruto, Boruto. Oui. Quelle est la différence du coup ? Eh ben Boruto, c'est aussi un ninja, mais c'est le fils de Naruto. Ah. Ouais. Dans la suite, parce que Naruto, lui, son rêve, c'était de devenir le chef de son village, ce qu'on appelle le Hokage. Bon, on va dire le chef du village, hein, ça sera plus simple. C'est quoi, c'est une tribu ? C'est un village de ninja. Ok. Grosso modo. Qui vit où ? À Konoha. C'est où ? Dans le pays de la feuille. Tu lui poses toutes les questions en fait. Bah oui, parce que. Et parce le pays de la feuille, il est où ? Ah, il est dans, dans un monde imaginaire. Ah, ok, d'accord. Oui. Ce n'est pas, ce n'est pas notre planète. Parce que je voulais le situer sur la carte. Et non, tu peux pas. Ouais. Dans le pays du feu ? Si, dans le pays du feu. Ah, voilà. Alors, dans le pays du feu, village caché de la feuille, ouais, un truc du genre. Bref, Naruto, il va grandir, il va devenir Hokage, le chef du village, et on va suivre les péripéties de son fils. Pour lancer ce genre de suite, qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Ils ont dû faire un film. C'est souvent ce qui se passe quand tu reprends une suite, quand tu refais un reboot. Tu essaies de lancer un petit speech, un petit truc qui va marcher. Tu veux dire que le speech, il tient dans un film sur au cinéma, un truc exactement. Avec gros budget, quoi. Je sais pas s'il est sorti au cinéma, ouais. Mais c'est un film animé. Hein, Ah oui, c'est pas un vrai film, quoi. C'est un dessin animé. Attention à ce que tu dis. Toi, tu vas mal finir, parce que je peux te dire qu'il y a des animés, ils ont fait j'aime des entrées. J'aime pas les animés. Ouais, pas. Bah, ça se fait gaffe, il y a pour quand moi, même une bonne partie un d'avenir film, là-dessus. Ouais. Hein. Ouais, je sais. Avec les motion capture, tout ça. Enfin, bref. Ils ont sorti un film qui s'appelle The Day of... Je sais plus comment ils appellent son nom en anglais en même temps. Merci les noms en anglais, je comprends jamais rien. Où Naruto affronte des nouveaux ennemis, parce que normalement il a déjà tout vu dans sa série. C'est une fin, c'est carré, c'est voilà. Il affronte des nouveaux ennemis sortis pas totalement de nulle part. Ils les ont essayé de... Ah, les ennemis, c'est les fils aussi de l'ennemi d'avant, non ? Non, pas exactement, mais c'est lié quand même. C'est lié aux ennemis qu'il a rencontrés dans sa série à lui. Donc tu le vois, et tu vois qu'il va devoir se faire aider par son fils qui a un pouvoir étrange. Ok. Un nouveau pouvoir. Donc du coup, paf, il lance Boruto. Boruto, il va suivre les mêmes péripéties que son père. Il est petit, c'est ce qu'on appelle un genin, donc un ninja avec un niveau faible. Voilà, ouais, je sais ouais. pas comment trop le dire mieux ça. Et il doit monter de classe, hein, comme tout ninja. C'est un boulot. C'est un boulot, hein. Être ninja, t'es payé par le village pour être ninja. Ok. Tu protèges le village, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est la mission du ninja en fait, c'est de protéger le village. C'est ça, protéger le village. Il y a un shérif. Un shérif. C'est un genre de shérif, effectivement, mais qui agit dans l'ombre en théorie et sans colt. Parce qu'il n'y a pas de colt, voilà, tout simplement. Tout en sachant que dans Naruto, ils sont en période assez de guerre, donc ils sont en période. T'as pas de technologie, t'as pas d'électricité. De l'électricité ? Je sais même pas. Par contre, dans Boruto, vu que c'est une suite et qu'ils l'ont fait bien après, hein, ça a commencé en 2016. Ouais. Ils ont intégré. Ils ont ajouté de la technologie. Bah oui, ils se sont dit, ouais, c'est bon, les guerres sont finies dans Naruto, c'est la paix. Grosse avancée technologique grâce à tout ça, c'est cohérent pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Les pays se mettent en commun, ils unissent leur science et tout ça, ils se développent. Du coup, tu as des technologies et tu arrives à trouver des choses comme. Un ninja, ça utilise des kunai. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mm-hmm. C'est une petite arme à la main, un genre de petit couteau. Mm-hmm. Et à côté de ça, il peut avoir une console. Ah, d'accord. Ok. Mais alors là, par ça rapport à ce que choqué, tu disais tout à l'heure, où faire la suite de quelque chose, c'est hyper compliqué. Ouais. Là, est-ce que c'est pari gagné finalement? J'aurais bien avis mitigé. Mais ça dépend. En fait, dans le début de Boruto, ça a été très long à s'installer, très long à se faire apprécier des fans, dans le sens où qu'il commençait exactement les mêmes pas que son père. Mm. Boruto ne veut pas devenir Hokage, mais il monte les petits échelons, il arrive des petites péripéties, des combats sans importance, des trucs ouais. qui dans Naruto avaient son importance parce que ils sont en guerre, voilà, donc c'est normal qu'ils arrivent des petites choses et tout ça. Dans Boruto, c'est vraiment aller retrouver le chat. Ouais. Puis air de déjà vu en fait. Voilà, t'as pas trop envie de resuivre ça. T'as pas envie de re-suivre l'évolution d'un nouveau héros qui est longue en plus. Ouais. Par contre, quand arrivent les nouveaux ennemis avec des nouveaux pouvoirs, des nouveaux concepts, et que les anciens de Naruto doivent intervenir aussi avec les jeunes, et que tu vois les anciens galérer et que du coup les jeunes doivent prendre la relève, c'est un petit côté assez sympa. Et à qui se destine en fait cette suite? Est-ce que ce sont les anciens qui ont suivi Naruto et où il y aurait prolongement de l'histoire quelque part et avec un nouveau scénario et tout? Ou est-ce que c'est la génération d'après, les enfants, avec notamment les parents qui vont dire « Ah, regarde, quand j'étais petit, je regardais ça et voici la suite ». C'est quoi le public cible? Alors, le public cible, c'est clairement la génération actuelle dans le sens où il y a beaucoup de mèmes qui existent là-dessus. Genre, les fans de Naruto... ils voient Boruto, bon bah ils vont aller regarder One Piece. Ah ouais, clairement. Mais du coup, tu peux commencer par Boruto sans avoir fait. Tu Naruto. Peux commencer par Boruto, oui. C'est juste qu'il. Enfin, ouais. il va rien te manquer. Mmh. Parce que souvent les suites et les reprises, ils font en sorte que tu puisses commencer l'histoire directement sans pour autant connaître le avant. D'accord. Pour autant, c'est bien de savoir un petit peu l'avant. Enfin, on est-ce qu'il curieux, y a des refs des fois un peu cachés à Naruto? Alors un peu caché, même pas. Ouais. Même pas caché, mais il y a des refs effectivement. Déjà juste Naruto, tu vois, il est dans les deux. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, il est encore là, et c'est son père, et il est pas mort. Bah là. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, je suis désolé, hein, mais Boruto, j'ai l'impression de manger un. Ouais, on est d'accord, tu vois. Un burrito. Ouais. Ils auraient pu l'appeler Naruto aussi. Naruto. C'est mauvais. Il a une voiture maintenant. Eh ben, figure-toi qu'ils ont des trains, des convois éclairs. Ah. Alors qu'avant, ils avaient pas de ce genre de technologie. Avant, ils couraient. C'est des ninjas. Tu regardes ça où? Excuse-moi. Moi, je regarde ça sur une plateforme de manga, d'animé. Crunchy qui s'appelle ADN. Ah, d'accord. Okay. Anime Digital Network, ça s'appelle. Il y en a plein d'autres. Il y a Crunchyroll, il y a. J'ai oublié. Ouais. Et en règle générale, maintenant, les mangas, t'as ça sur Netflix, t'as ça sur des plateformes de ce type en fait aussi. Oui. Alors, t'as pas tout sur Netflix, évidemment. Hein. T'en as une toute petite partie, hein, faut pas déconner. Ouais. Puis même, t'as pas tout. Tu vois, t'as Boruto par exemple sur Netflix, mais tu dois avoir que certains épisodes. Oui. Oui. Tu vas sur une plateforme dédiée, t'as tout, même ceux qui sont pas encore en français. Ah ouais. Parce que ah oui, alors il y a deux équipes dans les mangas, il y a ceux qui écoutent en japonais et qui lisent en français. Moi je préfère avec la voix de Dorothée dessus. En vrai, ou Ariane. Je m'en bats les couilles de ce que les gens écoutent, mais moi juste pour le confort, j'aime bien écouter en français en fait. Ouais. J'ai pas envie de m'emmerder à lire tout le temps des sous-titres. Ouais. J'avoue que j'ai jamais été fan de ça. Plus. Même si t'auras toujours les défenseurs de ouais, c'est mieux avec la VO, etc. C'est mieux, mais je comprends rien si j'enlève les sous-titres. Et j'avoue. C'est pareil pour lui parce qu'il va dire qu'il apprend le japonais. Ouais, il connaît trois mots. Mais comme c'est une taille, c'est ce Aligato. Que ma fille te dirait. Ma fille, elle te dirait regarde les trucs avec les sous-titres. Ouais. Parce que ça, t'apprends. C'est un truc de bobo. Et assez parlé en japonais. Non, mais. Voilà. Pas encore. C'est la question qu'on pose. Elle va en faire l'année prochaine. Ah bah ça, alors ça, oui, ça c'est une autre démarche. Mais c'est bien pour s'habituer à. Oui. Pourquoi pas, tu vois. Tu découvres des trucs. Mais j'avoue que quand je regarde les sous-titres, t'es focalisé un peu sur tes sous-titres et. Je suis pas là pour apprendre une langue. Je suis là pour me divertir. Voilà, faut pas se mentir. On est d'accord. Mais il paraît que les voix sont bien, mieux des fois en version originale. C'est normal, c'est la version originale. Justement, c'est ça qui a. Après, des fois, on a des bonnes voix françaises aussi. Faut pas cracher sur le doublage français. Il est quand même assez excellent dans le métier. Comparé au doublage américain ou tout ça, ils sont un peu pourrables là-dessus. Le mieux, c'est les Québécois. Ouais, dans les pays. Nouvelle-Zélande alors demain. Les pays de l'Est parce qu'ils s'embêtent pas, ils ont une seule voix pour tous les personnages. C'est vrai. Alors du coup ça. Pour... C'est simple quoi. Oui, mais pour s'immerger si tu veux dans l'action, c'est pas ouf. Hein. Ouais, t'arrives pas. C'est simple. C'est la même voix que le personnage d'avant, alors que c'est l'autre qui parle. Wow. Tu vois. Et en plus, c'était une fille. Et il a une voix de mec. Ouais. Mmh, compliqué. Hein. Moins bien, moins bien. Après ça, c'est pas très choquant parce que par exemple, si tu prends le manga One Piece, le personnage principal, c'est Luffy, c'est un garçon. C'est une fille qui fait sa voix en japonais. Oui, mais ça passe. Tu regardes DBZ, c'est Brigitte Lecordier qui fait la voix de... Oui, alors Sangoku petit, parce que le Sangoku adulte ne fait pas... Oui, ouais, heureusement. Ouais, heureusement, ouais. Oui. Voilà. Luffy est aussi un adolescent, entre guillemets. Puis une voix aiguë, ça passait bien avec le héros. Enfin voilà, ça a été décidé, ça a été réfléchi. C'est pas comme AB Studio, c'était pas par prod, dépit. Ouais. c'est pas par dépit, non, c'est sûr. Voilà, c'était par choix. Bon bref, ils refaisaient tout dans Apache, dans AB Productions, parce qu'ils refaisaient pas que les voix, ils faisaient aussi les génériques, les bruitages, il y avait tout. C'était génial. C'était trop bien. Non. Avec le recul, non, mais oui. Ouais. T'étais obligé d'écouter par le stagiaire, mais c'était nos oreilles d'enfant, ça a passé. Boruto s'adresse à un public relativement jeune, à un nouveau public si j'ose dire. Ouais, okay. Tu dirais quoi, jeune, 20-25? Beaucoup plus jeune. Encore plus jeune. Pas ma génération, justement. Ah ouais. Ma génération, nous, c'est Naruto. Ouais. Même la génération de Yann, de Théo, pardon. Si ils ont regardé les mangas, parce que toi t'en regardais pas. Non. C'est Naruto. D'accord. Y en a qui ont dû faire la transition. Moi, tu vois, j'ai été curieux. Je me suis dit, bon, tout le monde dit que c'est de la merde. Je me fie aux gens, de toute façon, c'est non. C'est très bien. Je vais voir. C'est bien de tester par soi-même. Bah oui, faire son avis. Ouais. J'aime. Ça va. Ça je trouve ça un peu long. Ouais. Dans le sens démarrage. Où, ouais, y a bah, le démarrage, et puis même, il y a des épisodes. On appelle ça des arcs. Ouais. Des moments où ça sert il se passe rien. Ouais, d'accord. C'est bidon. Est-ce que c'est pas un peu le problème de toutes les séries ça, parce que t'as plein d'épisodes dans les séries où tu dis bah celui-là ça est moins dépend. Bien que celui d'avant. Ouais quoi. Mais c'est peut-être pour planter le décor et tout. Ouais non, des fois c'est un intérêt et puis des fois t'as l'impression qu'ils sont un peu en manque d'inspi sur une ça, oui. partie. Ça ça pourrait mais ça dépend des mangas tu vois par exemple un manga comme One Piece. Je considère qu'il n'y a aucun arc qui est inutile. Ah! Ça, c'est des bonnes séries, ça. Parce qu'il a créé son histoire de A à Z avant même qu'elle soit sortie, au final. Mmh. Il sait la fin, lui, de son manga. Ouais, c'est ça. Donc, ah ouais, d'accord. C'est ultra il sait bien où pensé. Il va, ouais. Ouais. Bruto, tu vois, je suis pas sûr qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils avancent. Bien, quoi. Ils avancent. Ouais. Mais bon. Bah, t'as un peu ce syndrome aussi de commande. Alors, je sais pas si c'est les plateformes ou les chaînes ou de télévision, etc. Mais qui te commandent quelques épisodes et puis après ils vont t'en commander d'autres. Donc, toi, t'as fait ton scénario pour quelques épisodes. Bah, on peut parler par exemple de Squid Game, saison 1. Mais après, tu sais, ça existe depuis la nuit des temps. Hein, je veux dire, à l'époque, papa, les Shadok, quand ils avaient commencé, ils étaient partis pour 10 épisodes, tu vois. Et puis après, on leur a demandé 100. Bon bah faut les pondre hein, tu vois, ça a marché hein, mais il y a certaines séries où bah, le scénario il est fait pour durer 15-20 épisodes et pas la suite. C'est dommage. Dans tous les cas pour Boruto, moi je vous conseille de y laisser une petite chance parce que même si c'est long, c'est pas mal et puis vous retrouvez quand même des éléments de Naruto, c'est quand même des ninjas, même si le héros est un peu plus chiant et beaucoup moins charismatique que son père à l'époque. T'es dans l'univers quoi. Hein. T'es dans l'univers. Donc si t'aimes Naruto, t'aimes Boruto quoi. Plus alors, ou moins. Je peux pas dire ça alors. Ouais, d'accord. Je peux pas dire ça parce que là, il fout le haters. Non, d'accord. Mais je sais pas si t'aimes les ninjas. Puis laisse-toi le. Laisse-toi le leur chance. Le doute, aussi. Ouais, voilà. Y a des nouvelles choses, y a des trucs. Y a des fusions. Tu vois, par exemple, ils sont tous adultes. Tous les personnages de Naruto sont adultes. Ils vont se marier. Ils vont faire une vie de famille. Ils vont avoir des enfants. Du coup, à chaque fois, quand ils avaient tous des pouvoirs iconiques. Bah, du coup, ça fusionne. Ah, génial. Et ils peuvent créer des nouvelles choses. Mmh. C'est cool, c'est cool. On adore les fusions. Cool. Voilà. Ouais, cool. Ouais, t'aimes pas les fusions. Comme ouais. Le quiz qui arrive dans 3 minutes. Ok. Non, c'était sympa. C'était très sympa. Tu vas voir Boruto on écoute Ocean Avenue. Ocean Avenue avec son titre Oui ou Non. À la remix d'Angel. La remix d'Angel, effectivement. C'est bien, c'est oui bien. Ou bien c'est non. C'est ça. T'as tout compris. Mais c'est oui. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux. peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore, je veux savoir ce que t'en dis. Quand je trouve trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne. Que ceux des autres, pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est ton sang. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. La pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Et nulle part ailleurs, évidemment, comme tous les jeudis soirs, Peak Avenger jusqu'à plus de 23h. Oui. On est ensemble avec cette musique que tu aimes, Teddy. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est guitare, c'est rock. C'est la musique du bête. D'accord. C'est la musique c'est du quiz. Quiz pour terminer cette émission avec cette question. Alors, on fait à l'ancienne, hein, sur Indestar. Évidemment, vous pouvez jouer sur le chat de Twitch si vous êtes connecté. Nous on a nos petites ardoises, nos velédas à l'ancienne. À l'ancienne, cette question avec des propositions de réponse ou pas. Est-ce qu'il y a des propositions? Pas pour la première question. Pas pour la première question, mais qui normalement est très facile pour ceux qui nous écoutent. Peut-être un petit peu moins pour Pascal. Mais bon, on va voir. C'est quoi cette violence? Première question, sans proposition de réponse donc. Quel est le nom de l'acteur qui joue le rôle d'Harry Potter dans la série de films éponyme? Harry Potter. C'était le nom de l'acteur. Tout le quiz repose sur l'adolescence, c'est-à-dire des personnages adolescents. Je dirais qu'ils sont enfants dans le début d'Harry Potter et puis ils deviennent adolescents par c'est la ça, suite. C'est ça, ils ont une dizaine d'années et oui, ils vont à l'école de sorciers pour apprendre la magie. Ouais. C'est la honte, je ne l'ai même pas. Quoi? Ah non, tu l'as pas, Linda? Bon, bah allez, je vais marquer un point. Alors, Daniel Radcliffe. Radcliffe, c'était la bonne réponse. Évidemment. Tu l'avais pas. Hein. Mais moi, je suis pas fan d'Harry Potter comme tout le monde. Bah, moi non plus, t'inquiète, si ça peut te rassurer. C'est un monde à part. Ouais. Oui, c'est un univers. Alors, deuxième question. Là, il y a des propositions. Donc, vous aurez minimum une chance sur trois. Ouf. Quel est le nom de la chanteuse qui s'est fait connaître à l'adolescence pour son premier album Pure Héroïne. Est-ce que c'est Billie Eilish, ouais. Gunny Wally ou Lord? Billie Eilish, Gunny Wally ou Lord? Vous pouvez me le noter sur l'ardoise. Alors, Lord, ça prend un E. Moi, j'ai mis des lettres, hein, je suis feignante. J'ai pris Lord aussi. Ouais. Non, on n'a pas la réponse de Pascal. C'était Lord, effectivement, la bonne réponse. On se souvient évidemment de Royal ou de Teams, Royal, Tennis Court, etc. En 2013, ça lui a valu entre autres un Grammy Awards pour son talent d'écriture, des paroles liées à sa condition d'adolescence. Un peu dark hein, quand même, ouais. Lord, hein, sur les bords et dans l'écriture. Mais bon, voilà. J'aime bien, moi. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Alors, on a un extrait ? Allez, on a un extrait. C'est un extrait de Teams, je crois. Ah, faut que j'enlève mon bed, hein, c'est dommage. Oh, quel dommage. Voix particulière de Lord, mais j'aime beaucoup cet album. Elle en a fait un deuxième par la suite. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres depuis. Je sais pas. C'est, le deuxième, c'était Mélodrama, je crois. On est entre Pure Héroïne et Mélodrama. C'est toujours un peu. Ouais, c'est dark, quoi. C'est dark. Ouais. Elle est triste. Elle est triste. Elle est dissouci. Bon, si elle est triste, on la coupe. Mais c'est une artiste de talent, sachant qu'elle compose en plus ses musiques. Enfin, elle fait tout. Hein. Ouais. Troisième question. Quel est le nom du film qui suit les aventures de quatre filles qui forment un groupe de musique dans les années 60. Alors, le film n'est pas des années 60, mais le film se passe dans les années 60. Alors, trois propositions. Est-ce que c'est Dreamgirls ? Ah oui, tiens, pour l'anecdote, juste Billie Eilish, bon, on la connaît, c'est pareil, elle est un peu dans le dark, etc. Mais par contre, Gunny Wally, elle n'existe pas. D'accord. Je tiens à le préciser. Donc, il est fier de sa création. Oui, oui, oui. Le nom du groupe de musique, c'est les Dreamgirls, Teen Body ou The Supremes ? À votre avis, on le note sur l'ardoise. Alors, Linda, tu nous as mis C, les Supremes. Ah, moi aussi. Ok, Pascal, on a les Supremes aussi. Et Teddy, c'est les Pascal Supremes. Si Pascal a mis ça, c'est que je suis confiant là. Eh ben, fallait pas. Parce que c'était. Faut pas copier Teddy, c'est une mauvaise idée. C'était Dreams Girl. Alors, les Supremes, c'est un groupe de musique créé par trois nanas, effectivement, dans les années 70. C'est peut-être pour ça que vous êtes dit, ah, tiens, ça a l'air d'être ça. Teen Body, ça n'existe pas a priori. Par contre, Dreamgirls, c'est bien ce nom de film où on suit quatre nanas. Alors évidemment, il y a toute la lutte contre, puisqu'on est dans les années 70, donc comment dire, la lutte pour la reconnaissance dans un milieu macho qui ressort de ce film. Mais il y a aussi la condition d'adolescent dans ces années-là et même une condition d'adolescent tout court. On y va. Qui note les points, pardon? Moi j'ai mis mon point, mais je sais moi, pas. Moi je me suis mis mes deux points. J'ai l'habitude que tu marques les points, mais j'ai rien marqué pour. T'inquiète, on a compté nos points, t'inquiète. D'accord, ok. Donc Pascal, pour l'instant, on est à zéro, ça ouais, va Il comptait ses points, t'inquiète pas. Quel est le nom de la série télévisée qui suit les aventures d'un groupe d'adolescents en quête de survie après une apocalypse? Est-ce que c'est. Il y en a plein. Alors je vais le faire en français, hein, The 100, sinon The 100. The 1000 ou The Zero? Quoi? 100, 1000 ou 0? Ah d'accord, oui. Ok. Voilà, c'est les propositions. À vous de noter sur votre ardoise. Bah, ça joue pas sur le chat? Alors on a 0, on a The 100, on a les 100. C'est quand on parle du loup sur le chat, ça joue. Le 100 et on a 0. Mais oui, c'est le The 100. Eh bien, c'était The 100, dommage. Effectivement, The 100. Série post-apocalyptique, 97 ans après une catastrophe, et en génial. Plus d'être dans un monde dangereux, ben ils ont les enjeux des agents, des ados pardon, à gérer. C'est une série qui est sortie en 2014, donc c'est assez récent. Hein, ouais. Voilà. Je connais pas, mais je connais moi pas, mais t'as entendu parler. Ouais, vaguement, ouais. Ok. Citez-moi le nom d'un jeu vidéo qui Mario. Met en scène un ou une adolescente. Là, c'est réponse libre. Hein. Y a pas de proposition. Vous me le citez, vous me le notez sur l'ardoise. Ça met en scène un ou une adolescente. Il y a pas mal de réponses possibles. Hein. Oh oui. Allez, hop. Alors, Teddy, tu nous as mis quoi? Pokémon. Ah ouais. Bah, il a 10 ans, hein, Sacha. Ouais, c'est vrai, ça marche. Ouais. Pokémon. Il a 10 ans depuis 25 ans. Alors. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que tu vas te moquer. Et vas-y, Linda. Nos amis. Dora. Elle est pas adolescente. Mais il mais... y a Dora, il y a un jeu oui, vidéo. Mais bien sûr, il y a des bien à plein. Et puis elle a grandi. Il y a pas eu un film avec elle plus grande aussi. Oui, mais c'est pas. Par contre, moi je suis pas d'accord sur le terme mais adolescent. Si. C'est vrai que pour moi c'est une gamine Dora. Hein. Mais Ouais. Laissez-moi gagner. J'y arrive, j'y vais. Tu vois, la carte, si elle avait 17 ans, je m'inquiéterais quand même. Hein. Bon, d'accord, ok, c'est nul. Pokémon, il nous dit aussi, Joe Nomori. Hey. Pascal. Rien. Attends, mais il y a bien d'autres choses. Alors, il y avait The Legend of Zelda avec Ocarina of Times. Ouais. Link, il est. Non, il est pas ado. Si, bien sûr. Bah, si. Ouais, Link, ouais, il est pré-ado, on va dire. Ouais, je sais pas. Il y avait Life is Strange. On a une adolescente qui est Max. Exactement. J'y ai joué. Persona de la série Persona, qui est un groupe d'adolescents là cette fois-ci. Oh, mais attends, on va pas se mentir, quasiment tous les jeux c'est des ados. Final Fantasy c'est des ados. C'est vrai. Il y avait Bully aussi. On incarne un adolescent nommé Jimmy Hopkins qui doit survivre à l'école et affronter les différents groupes de la société. Puis Double Dragon qui est sorti en 87. On incarne l'un des deux frères Lee, Billy ou Jimmy. Qui parcourent les rues pour sauver leur petite amie Marianne de la horde criminelle de la ville. Ah là là, voilà. Oui, c'est une liste non exhaustive, hein, je pense qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein. C'est un point facile. Ou pas. Ah, ouais. Vous acceptez pas Dora du coup. Bah, Dora, on va dire que c'est non. C'est une enfant, d'avoir quoi, 6-7 ans J'aurais dit une dizaine c'est d'années une grand max, mais. Non, c'est vrai qu'elle est un peu plus. D'accord. Ouais, c'est peut-être ça aussi. On va revenir dans la musique. Quel est le nom complet de cette chanteuse, ado icône des années 2000 dont on a parlé tout à l'heure, avec Avril son Lavigne. Look de skateuse et sa musique pop rock? Est-ce que c'est Avril Ramona Lavigne, Avril Simona Lavigne ou Avril Lavigne tout court? Vous répondez sur les ardoises. Je vous laisse quelques secondes pour ça. Et Linda, tu nous as marqué Avril Simona Lavigne. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok, moi c'est Ramona du coup. Ramona. Parce que c'est stylé et Ramona. Avril Lavigne tout court. Eh bien, la bonne réponse. Alors, tiens, explication de Linda sur Simona. Simona. Et alors? Et moi, j'ai mon prénom, je m'appelle Simone aussi. D'accord, donc tu t'es basé, tu t'es dit, c'est la bonne réponse. C'est ça. Ok. C'est l'instinct. En voiture, Simone? Ouais, c'est ça. Non, c'était Ramona. T'aurais pas dû. C'était dommage. Ramona. Donc, évidemment, Avril Lavigne dans son nom de scène, hein, qu'on a connu avec l'album Let Go en 2002. C'est plutôt 2003 d'ailleurs chez nous. 20 millions d'exemplaires de vendus, ça rendait jaloux tous les chanteurs et les chanteuses de la planète. Under My Skin en 2004, le deuxième album, et puis beaucoup d'autres albums derrière. Le dernier, c'est Love Socks qui est sorti l'année dernière, donc en 2022. Et en 2022 est sorti aussi la réédition, puisque ça fait 20 ans qu'est sorti le premier album, Let Go. Voilà, réédition de cet album. Où d'ailleurs, j'ai vu sur Instagram qu'elle a fait une photo, parce que ça a été pris, je crois que c'est à Manhattan, la première photo où elle est dans la rue et on voit en flou des voitures derrière. Derrière et passage piéton et tout ça, et elle a refait la même photo 20 ans plus tard. Ah, et ben on se dit qu'elle a pas tant changé mais que moi ça. Moi aussi j'ai fait ça, c'est marrant. Ouais. Je suis arrivée toi aussi, ici. T'as pas tant changé que ça. Ouais, c'est vrai. Et si, c'est la différence. Non, non. Toi, t'as fait ça en boise quoi. Ouais, je fais ça en boise. Ouais, la première pas, fois que je suis un peu moins classe, et puis après avec Léa. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est beau. Extrait d'Avril Lavigne. Extrait de la ville Lavigne. Évidemment. Bien sûr. Pas pu résister. C'est ça? Non, alors c'est pas ça alors. Dommage. Vas-y pour le troisième extrait alors. Mais qu'est-ce que l'extrait 2? Mais j'ai pas mis dans le bon sens alors. Ah, ouais. C'est mieux déjà là. Plus fort? Bah oui. Ok. Je n'ai pas trop fort. Ah oui, c'était Zissan tout à l'heure, l'extrait 2. Ah, c'est bah générique, tant pis. Je crois. Ouais. Ça, c'est un extrait Forgotten, c'est un extrait de Under My Skin, donc deuxième album. Plus rock que le premier. Ça envoie, ouais, oui, ce que je trouve. Ça envoie, hein. Évidemment. Ouais. Dernière question. Ça fait pas beaucoup de points. Hein. Dernière question. Quel est le nom de la dernière fille de la famille Banks dans Le Prince de Bel-Air, qui passe de l'enfance à l'adolescence dans la série, hein, et qui, je rappelle, a comme héros Will Smith? Est-ce que c'est Ashley? Est-ce que c'est Vivi? Ou est-ce que c'est Hilary? Ashley, Vivi ou Hilary, trois personnages qui sont présents d'ailleurs dans Le Prince de Bel-Air, mais qui est l'adolescente? Qui est le prince de Bel-Air? Qui est le prince de Bel-Air? On a Ashley, on a Vivi et on a Ashley. Ashley était la bonne réponse, oh, mais... évidemment. C'est et c'est vrai. L'actrice Tatiana Ali qui joue le rôle d'Ashley Banks, donc la plus jeune fille, donc le fil, et de Tata Vivi. Tata Vivi étant la tante et Hilary Banks étant la grande, donc qui est déjà plus trop adolescente au début de la série et qui devient franchement. Alors, je vais pas dire adulte parce que disons que dans sa manière de vivre, elle est pas forcément très adulte, ouais. Mais elle est plus âgée en tout cas, elle a plus de 20 ans. Ok. Voilà. Bon. Ça fait combien ça non, les scores? Non mais on va pas parler ah bah des si, scores. Ah si, ah bah faut parler du sujet qui fâche. Combien pour toi Linda? Un point malheureusement. Un point. J'ai pas fait Fanny, c'est bien. Sur 7, ok. Teddy. 6. 6 points? Sérieux? Non, mais tu as compté les points, ça. Non, mais c'est trompé que sur... De toute façon, j'ai toutes mes réponses sur l'ardoise. Ah, alors c'est si tu regardes bien, il y en a 6. Ah, c'est vrai. Et hein. Je me suis trompé sur Supreme, et là, t'as Daniel Radcliffe. Bravo. Donc, bravo, Teddy. Pas mal. Pascal? Eh ben j'ai un point. Oh, un point. C'est pas mal. Voilà. Hein. C'est beaucoup non, mieux que j'aurais pensé. Égalité à la dernière et deuxième place. C'est l'important pas mal. Dans la vie, c'est de participer. C'est quand même. Voilà. Je sais pas si sur le chat, ça réagit pas mal pour arriver. Pokémon, c'est Joe Onamori et Pokémon, les sons Counter Strike. Il avait des trucs. Pas bravo, tout, Joe. Mais Joe, tu avais des trucs. Bravo. Bravo à toi. Tu as peut-être surpassé Linda et Pascal. Bien ce sûr. Soir. ce qui nous attend pour la suite de la semaine, puisque ça n'est pas terminé. Demain, c'est vendredi et demain, c'est Love. Demain, c'est spécial. Demain, c'est spécial. Demain, merde. Ça va être bien. On va vous faire une petite émission pour préparer la Saint-Valentin. Exactement. Alors, de manière très sensuelle, la Saint-Valentin, quand même. Oui, hein, alors, on va parler de sujets vastes, et, comme d'habitude, quoi. Mm-hmm, mais on va débattre, surtout, on va donner notre avis. Et de 21h à peut-être plus que 23h. On va se coucher tard demain, je pense. Il est possible que l'on dépasse la limite du raisonnable, la borne des limites, comme disait. Mais quand on est bien, on compte des années 2000. Il paraît. C'est vrai, c'est vrai. Et on sera très nombreux, apparemment, dans le studio demain. Donc, voilà, vous pouvez venir aussi si vous en avez envie. Centre-Val de Loire, Amboise, appelez-nous. 09 70 407 306. Voilà, c'est gratuit, ça vous coûtera que dalle. Parce qu'on est dans les années 2020 et le téléphone est illimité. Voilà. C'est aussi une des prouesses, enfin une des bonnes choses des années 2010, on va dire, où on ne paye plus son forfait téléphonique. Enfin, on le paye, mais pas pour. Parce que ouais, ça se paye oui, quand même. On le paye, mais après c'est illimité, quoi. Ouais. Tu payes pas la minute. Ouais, 1 franc 22 la minute. Ouais. On vous souhaite une excellente soirée. Merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir. Merci Théo de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Tous se remercier. Et on vous donne rendez-vous donc très prochainement demain pour la spéciale. Les podcasts Indestar qui seront disponibles très très très vite. Et puis bien sûr de la musique. On en a maintenant. Qu'est-ce qu'on écoute Teddy? Évidemment qu'on en a. On va avoir Crookie de Colours avec le titre Philid. Mignon. Après nous aurons du Gabriel Scaldaferi, nous avons Ixon, nous avons Chifla, nous avons que Filou, de la bonne musique. Oh, Filou et, oh là là. Et là on arrive à 2h du matin. All my c'est friends ça. Are rich. Non okay. C'est moi le riche dans mes friends. Alors, écoutez Indestar, vous allez voir, c'est sympa, c'est cool, ça passe bien et bonne nuit. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.